Mais moi, je crois profondément qu'Internet peut être un formidable auxiliaire de démocratie participative. Il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais, son avenir, c'est le métissage. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. Elle est visiblement sous influence, et de plus, oui, ce sont ses convictions profondes. Marine Le Pen est une femme de gauche. Les gens ne le savent pas, mais c'est une femme de gauche. Je l'avais dit au Nouvel Observateur, ça m'a été reproché, mais elle est inculte. Ce qui lui plaît, c'est de s'éclater dans une boîte de nuit en écoutant de la musique nègre. Bonjour à tous, chers amis. Je suis heureux de vous retrouver pour cette émission de démocratie participative, numéro 18, saison numéro 2. Et sans transition, je vais vous inviter à nous suivre sur notre chaîne YouTube, Démocratie Participative. Vous abonnez, vous recevez les alertes des nouvelles émissions. Je vous invite aussi également à nous suivre sur la page Facebook de démocratie participative, donc vous suivez la page, faites-la partager avec vos amis, vous avez des updates réguliers, des mises à jour, hein, donc des nouveaux articles et en plus et aussi de l'émission, vous pouvez commenter aussi avec d'autres personnes. Notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, hein, y a pas de tiret entre démocratie et participative, pas d'accent non plus, @mail.ru. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @mail.ru. Le site internet, évidemment, démocratieparticipative.biz, là aussi, en un seul mot, .biz, B-I-Z. Alors, je présente nos participants de la semaine, hein, pour une émission qui va être intéressante, polémique, je pense, en deuxième partie surtout. Avec Derek, je commence avec Derek. Salut Derek, ça va? La patate? Ah ouais, la patate douce, c'est tout ce que tu veux. Hein. En hommage à nos amis les nègres qui vont être à l'honneur aujourd'hui. Hein. Pour changer. Frédéric dans l'évier. Alors, Fred, là, t'accumules la protéine là, en ce moment. Ah, juste... c'est ce que je fais, c'est en direct, c'est dans l'évier et dans l'assiette en même temps. Là, je fais tout. Donc, bonjour à tous les auditeurs, j'espère que tout va bien. Hein. Ouais. Je vais tâcher de mâcher avant de parler. Et j'espère qu'on va passer une très bonne émission. On devrait, on entend les fourchettes et tout, là ça va lever de la fonte, prendre de la calorie, c'est positif ça. Porovitch, salut Porovitch, la banane Porovitch. Shalom alaikum à tous, ouais la banane, je sais pas, peut-être, oui, peut-être que c'est le moment de se mettre à la banane, oui. Peut-être pas, on verra bien. Fulbert, salut Fulbert. Bonsoir Gandalf, bonsoir à tous. Hopman America, salut Hopman. Salut Gandalf, salut les auditeurs et salut les participants, comme chaque semaine, en avant les nègres, avec une petite variation que je vous livrerai dans l'émission. D'accord, bon, pourquoi pas. Peut-être un invité surprise en deuxième partie, nous le verrons, c'est pas garanti, donc on verra si ça se produit ou si ça se produit pas. Je commence tout de suite avec notre rubrique traditionnelle Autisme Radical, vous la connaissez. Je sais que beaucoup l'aiment aussi, cette rubrique. Et alors, sujet numéro 1, c'est assez curieux, hein, le destin, ça tourne autour du Front National. Allez savoir pourquoi. C'est une élue du Front National d'Albi, hein, qui avait prétendu être agressée par des jeunes, hein, voilà. Et il s'est avéré qu'en réalité, c'est peut-être cette dame qui a agressé les fameux jeunes, les traitant au passage de sales blancs, hein. Mais il faut dire que l'élu en question s'appelle Gladys Ramadji, c'est une subsaharienne, hein, c'est une africaine, comme dirait Delesquin, une congoïde, voilà. Et on va l'écouter parler, on va écouter un petit peu l'histoire, et puis on va l'écouter parler, et ensuite je reviens vers vous. Elle a pris le téléphone, elle a fracassé par terre, elle a commencé à lui mettre des coups. Nous directement, Enzo lui a dit surtout ne fais rien, donc il a rien fait, se laisser faire. Elle a continué à l'insulter, elle lui mettait des coups de poing, coups de pied. Ensuite, elle lui disait des grosses insultes, des nique ta mère, fils de pute, sale blanc, etc. Il marchait parce qu'il était de dos quand elle lui a sauté dessus. Et c'est là qu'elle l'a attrapé au cou et qu'ensuite elle s'en est prise à ses parties génitales. Et je trouve ça horrible. Une version des faits confirmée par un autre témoin de la scène qui assure que la personne agressée n'aurait jamais tenté de répliquer. Il n'a jamais porté la main sur cette femme, ni d'ailleurs tous les jeunes qui étaient autour. Personne n'a approché cette femme. Elle était dans un état de violence. Moi, j'ai été assez impressionnée par la violence des coups portés, par la violence des propos tenus, par les insultes. Elle a même craché sur le jeune. Une violence que l'élu Front National continue de réfuter. Elle assure avoir agi dans le cadre de la légitime défense et maintient son premier témoignage. Je n'ai pas été violente. Je refuse comme catalogue de violente. D'accord, dans cette histoire, les violents, ce n'est pas moi, c'est eux. Et par contre, là, je ferai bien droit dans les yeux, ce n'est pas moi la violente. Les violents, c'est eux. Moi, je suis en droit de me protéger. Alors, chers amis, vous avez entendu donc le récit des faits, vous avez entendu la principale protagoniste hein, qui... Alors, nos auditeurs, évidemment, ne peuvent pas voir les images, mais cette négresse a un type plutôt masculin, faut le dire. Et alors, elle a un goût prononcé pour le coloriage, puisqu'elle se dessine, elle s'épile les sourcils et ensuite elle se les dessine avec un feutre ou, je sais pas, une espèce de... Et puis elle a évidemment, comme beaucoup de négresses, des faux cheveux, hein, puisque les longs cheveux lisses, ça n'est pas très africain à la base, quand même, il faut le savoir. À moins qu'elle se fasse un peu... Rappelons que d'après les sciences islamiques, s'épiler les sourcils, ça donne le cancer du sein. Hein, on avait parlé dans une. Ah oui, il faut le savoir. Hein, c'est toujours bon de rappeler dans quel monde on vit. Hein. C'est vrai. Ça, c'est. Oui, ça donne. Oui, rappelons-le. Donc, Ramadji a été prise à partie pour son appartenance au Front National par des blancs. Alors, je présume, donc peut-être des blancs antifascistes, alors, du coup. Donc. On vit dans... Là, c'est la quatrième dimension. La France devient de plus en plus un pays surnaturel, hein, à vocation... Spirituelle. Voilà, c'est ça. Et comment dire... Donc, on a les nègres frontistes qui s'affrontent avec les blancs antifascistes. Et la négresse frontiste traite de sales blancs les blancs antifascistes. Je sais pas quoi... Ouais, on aurait parlé de ça un truc où tu fais des blagues, tu vois. Je sais pas, Rire et Chanson, Jean-Yves Lafesse, il y a 10 ans, on n'aurait pas cru, tu vois. Mais là, c'est réel. Mais alors, justement, ouais. Moi, j'ai quelque chose à proposer. Sachant que cette charmante personne est donc élue FN, et que Marine Le Pen a dit qu'après la grande victoire hein, du FN, qui hein, voilà, allait changer de nom. L'Uber Victoire, elle allait donc créer quelque chose d'autre avec un autre nom. Et sachant que Nicolas Dupont-Aignan de Debout la France l'a rejointe, eh ben, j'ai envie de leur proposer de créer un mouvement qui s'appellerait Debout les Nègres. Voilà. Comme ça, l'avenir. Ah, mais c'est déjà fini avec Dupont-Aignan. Hein. Ça y est. Non. Non. Ok, donc, cette négresse. Debout les Nègres. Ah oui, Hopman, tu disais donc Debout les Nègres. Hein. Debout les Nègres, ouais, ouais. Le mouvement du futur. Je pense que c'est de circonstance. En fait, ce qui me fait... est-ce qu'il y a une mesure disciplinaire pour racisme qui a été engagée par la direction du Front National et par Louis Alliot ? Ou alors, est-ce que le bénéfice du doute, quand même... Hein. Parce que ouais, si ça avait... Attends, mais elle n'est pas blanche, elle a le droit, tu vois, c'est... Ah oui, elle est noire, donc bon, tu sais, c'est... Comme disait Christiane Taubira, hein, il faut pas énerver les gens qui lui ressemblent. Tu vois, Guéguissot, FN ou pas, c'est pareil. Hein. C'est un fait. Enfin bon, voilà, donc ce FN renouvelé, pimpant, donc qui tabasse des jeunes en disant sale blanc, c'est et, ça. Et qui n'a pas peur de mélanger son sang, hein, attention. Hein. pas de réflexe identitaire, pas de problème, on est ouvert, il n'y a pas de souci. Qui naît selon Christiane Taubira, pour le coup, est rentré dans l'humanité et sorti de la sauvagerie, quoi, avec Glandis. Ah oui, rappelons que Taubira, on l'a dit ça la semaine dernière, Taubira avait dit que Marine Le Pen était une sauvage, hein, Et donc c'est magnifique, ça, c'est les nègres qui expliquent aux blancs que les blancs sont dans la sauvagerie, alors que les nègres sont le nec plus ultra, enfin, ont atteint le nec plus ultra de la civilisation. C'est beau. Je suis moi-même ému. Bon bah, d'un nègre à l'autre, j'ai envie de dire, sujet numéro 2. TF1 appelle à se cotiser pour financer la famille de Curtis, mort à Antony, en Hauts-de-Seine. Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire? Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors, je vais donner les détails. Hein. Une marche blanche sera organisée dimanche en hommage à Curtis, 17 ans, tué la semaine dernière dans un accident à Antony, Hauts-de-Seine, alors qu'il fuyait la police au guidon d'un quad. Une enquête a été ouverte par le parquet de Nanterre pour déterminer les circonstances exactes du drame. Je rappelle qu'on est juste même pas 2 mois après l'affaire Teoluaka. Hein. Bon, je rappelle, voilà, pour ceux qui l'auraient oublié. La famille de Curtis, donc les nègres autour de cette boutique-là, a porté plainte contre X pour homicide involontaire, a annoncé vendredi à l'AFP son avocat. Concernant les faits, les policiers de la BAC ont expliqué avoir perdu de vue le fuyard avant d'assister quelques centaines de mètres plus loin à la collision mortelle. Donc en fait, il était sur son quad et il a percuté un truc et il est tombé et il en est mort. Donc il a fait le nègre, quoi. Une enquête ouverte par le parquet de Nanterre est en cours pour préciser les circonstances de la mort de l'adolescent. Selon les premières constatations, le conducteur était dépourvu de casque et circulait sur un engin aux pneus lisses, avait indiqué la procureure Catherine Denis. Ouais, mais ça va pas satisfaire la famille, évidemment, enfin la tribu, quoi. La famille Curtis a également lancé une cagnotte Lechti. Alors là, faut bien que vous compreniez, parce que c'est ça qui m'a intéressé. Lechti. C'est que l'article que je lis s'est passé sur LCI. Donc LCI, la chaîne d'information continue de TF1. Et TF1, il donne littéralement le lien de la cagnotte de la famille. C'est magnifique. Donc la famille de Curtis a également lancé une cagnotte Lechti. Nous avons perdu notre fils dans des circonstances tragiques. Curtis a perdu la vie le 6 mai 2017 à Massy, après avoir percuté un bus. Plusieurs versions sur les circonstances de sa mort. Personne ne s'attend à perdre un fils aussi jeune à 17 ans. Nous avons besoin de vous, de votre solidarité pour les frais d'obsèques de Curtis. Votre soutien nous allégera dans cette terrible épreuve. Écrit sur la page donc, du site de levée de fonds, le père du jeune homme, susmentionné. Alors, le père explique aussi, enfin, il explique sa démarche auprès des potentiels donateurs. Nous ne pouvons pas nous contenter uniquement de la version policière. C'est donc pour cela que nous avons décidé de nous constituer partie civile pour connaître la vérité sur sa mort. Cette procédure judiciaire va avoir un coût conséquent dans notre quotidien. Pour mener à bien cette action, nous avons besoin de votre solidarité et de votre soutien dans ce long combat. Quel ignoble nègre prétentieux que voilà. Alors, bon, donc TF1, la chaîne de la droite réactionnaire, n'est-ce pas, donne les liens pour qu'on finance les frais d'avocat d'une tripotée de nègres qui n'a rien de mieux à foutre après que leur fils se soit scratché en fuyant devant la police sans casque. Comme une merde. Voilà, pour poursuivre les policiers qui essayaient de faire régner un semblant d'ordre dans cette jungle urbaine qu'est la banlieue parisienne. Alors c'est fascinant, hein, voilà. Alors... Mais l'ordre, c'est pas quelque chose qui leur est naturel, hein, chez les nègres, hein. Tu vois, dans leur pays, hein, c'est l'ordre naturel, c'est le bakchich tous les 100 mètres par les flics, tu vois. Ça, c'est normal. Ouais, voilà. Bah, il faudrait peut-être instaurer ça, d'ailleurs, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on devrait faire des zones, et puis on dit, bon, bah là, il y a droit de douane, tu vois, les mecs... Bamboula, arrête-toi, là, tiens, voilà. Tu veux aller où, ouais, 20 euros, là. 20 euros, c'est un coup de taser, là. Ah, je me vois déjà, je suis bien en train de voyager. On n'est pas épargné par la corruption au niveau politique là, chez nous, mais par rapport à ce qu'il y a chez eux, où la corruption, c'est-à-dire c'est carrément la règle, quoi. Ils ne trouvent pas ça normal. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est scandaleux. Nous aussi, on va faire du racket, donc on va demander du pognon aux blancs, quoi, pour. Mais je comprends pas en fait je comprends pas le concept. C'est-à-dire qu'en fait, on a un nègre qui fuit hein, la police, ouais. Parce que voilà, on essaye de l'arrêter, etc. Et voilà, il y a un accident de voiture, et donc donnez-nous du pognon, quoi. C'est ça. Bah, d'accord. Oui, mais c'est des nègres, ils ont 4 ans d'âge mental. Ah ouais, non, parce non, que là, je... 7. Et donc, LCI à fond pour le choc des civilisations. Ah bah eux, ils donnent carrément les coordonnées, c'est-à-dire, ils disent... Alors ça, c'est magnifique, parce que, donc, la chaîne hein, du patronat, la chaîne de la réaction patronale, demande au prolétariat blanc de verser au bol. Allez, les gars, un petit peu de pognon là pour le négro, là, pour qu'il puisse quand même poursuivre 3 ou 4 pauvres officiers, officiers de la BAC, tu vois, qui vont en chier pendant 3 ans, 4 ans de procédure, et en plus, comme il y a toutes les associations de mes deux, ça va durer encore 6 ou 7 ans, tu vois, et à la fin, on dira, bah ouais, bah votre putain de con nègre de fils, il avait qu'à foutre un putain de casque avant de se tirer comme un gros gogol devant une patrouille. Et il devait avoir la conscience tranquille, oui, encore, celui-là. Priorité, etc. Voilà. Ah bah, tu vas pas... Voilà. Mais non, c'est mieux avec des procès à répétition, c'est mieux avec des campagnes de presse, parce que là, c'est rebelote. Imaginez-vous ça. On est 2 mois maxi après l'histoire du nègre Théo Louaka, dont on n'entend plus parler, évidemment, puisque c'était une imposture de A à Z, et ici, on l'a dit aussi. Avant tout le monde, d'ailleurs. Sur l'émission, on a tout de suite commencé à dire que c'était complètement bidon, on avait donné des éléments, et ensuite, ça s'est avéré totalement monté toute pièce, etc. Et c'est la même chose, mais cette presse, elle a vraiment toutes les audaces. Parce qu'après un truc comme l'affaire Théo Louaka, essayer de chauffer les nègres, d'embrayer à la suite des nègres pour les exciter encore plus contre les flics, c'est vraiment hallucinant, quoi. C'est vraiment dingue, quoi. Je veux dire, les mecs n'ont aucune retenue. C'est après, on devrait être, plein de respect pour les journalistes, etc. Enfin bon, ils savent ce qu'ils veulent. Non, mais moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que aujourd'hui, on est passé de la version accusatoire à la version tout court. C'est-à-dire que d'un côté, on accuse la police de faire des contrôles aux faciès sur des populations qui sont surcriminelles. Et puis de l'autre, quand ces mêmes criminels font ce qu'ils font et il leur arrive des accidents et des problèmes, c'est bien normal, on va faire des enquêtes sur les flics, quoi. Ouais. C'est n'importe quoi. Ah, c'est la France. Ben, c'est-à-dire que le criminel devient, comme par magie, la victime, quoi. C'est... Voilà. Parce qu'il l'a dit, en plus, c'est bien. L'arrêt des contrôles aux faciès, il va falloir qu'on fasse des arrêts de contrôle de port de casque entre ceux qui portent un casque et ceux qui n'en ont pas, tu vois. Parce que c'est de la discrimination, quand même, hein, quelque part. Non, mais c'est-à-dire que ça touche disproportionnellement les nègres et les boucaques, donc forcément, c'est discriminatoire, quelque part. Bah, je dirais même que la police, c'est discriminatoire, et même que l'ordre, c'est discriminatoire. Donc, je pense qu'on doit juste arrêter. J'ai un peu envie de dire, les blancs, c'est discriminatoire. Même. Ah oui, donc il faut s'en débarrasser. Bon, bah, j'enchaîne avec le sujet numéro 3. Valls, le rhum de la République, de la politique française. Mais c'est aussi le rhum de la République maintenant, Valls, hein, on peut le dire. Hein. Alors, ça m'a amusé, hein. Bon, c'est de la politique politicienne, mais enfin, ça m'a quand même amusé. On parle quand même de... D'abord, on parle quand même profondément d'une mère du même. Hein. Valls, c'est quand même dans le rang de la crapule, avec une gueule de teckel, c'est quand même le premier. Il a la palme de l'enculé. Hein. Alors Manuel Valls, grandeur et décadence, hein, parce que lui, sans transition, il est passé du rôle de Premier ministre courtisé par tout le monde à rien, pratiquement rien. Je lis l'article, une recension du journal du Dimanche. Manuel Valls s'en prend à Macron dans le journal du Dimanche. Méchant, dixit, qui n'a eu rien de magnanime envers lui. Alors là, je cite l'ancien Premier ministre, et toujours d'ailleurs tapin de son état. Je suis extrêmement lucide sur Macron et sur son équipe. Hollande est méchant, mais dans un cadre. Macron, lui, est méchant, mais il n'a pas de code, donc pas de limite, affirme le député PS de l'Essonne. Quant à la décision d'Emmanuel Macron et du mouvement présidentiel La République En Marche de ne pas investir de candidat face à Manuel Valls aux législatives, sans pour autant l'investir lui-même, je cite encore l'ancien Premier ministre, il n'y a rien de magnanime dans cette histoire. On joue jusqu'au bout. On m'humilie, on m'isole, le tout pour finir par une solution de compromis. Mais ils l'ont fait de manière tellement appuyée que ça s'est retourné contre Macron. C'est devenu le cas Valls, dit encore l'ancien chef de gouvernement. Alors, qui a envie de parler un petit peu du cas du... vraiment, mais de ce pouilleux qui s'est donné, qui s'est livré en spectacle, c'est la mendicité agressive de ce pauvre personnage qui a envie de me parler de cette immonde pustule de Manuel Valls. Il a une femme, Manuel Valls, oui. Ouais, elle est juive. Oui, juive. D'accord, parce que moi, quand je vois sa tronche, je me demande. Enfin, tu sais, j'ai l'impression de voir. C'est de la perversité sexuelle très poussée, tu vois, genre, c'est une sorte de pédophile, je ne sais quoi. Enfin, j'ai du mal à mettre le doigt dessus, mais vraiment, il a vraiment une sale trogne, il a un regard c'est vraiment. C'est pour ça qu'il est marié, lui, juive. Ah oui, oui, non, mais d'accord, mais ce qui touche à sa juive, je sais pas. Et une juive qui joue du violon, si je me souviens bien. Bah, du violon, ouais, du violon. Mais comment dire, c'est quand même assez pitoyable pour ce mec qui se prenait pour le cow-boy le cow-boy de numéro 1 de France, qui en plus qui essayait d'intimider les gens, qui était vraiment vraiment une espèce de petite merde ultra hargneuse, de le voir vraiment réduit à mendier son poste de député en fait, alors qu'il est traité comme une espèce de lépreux maintenant par les nouveaux puissants. Hein. C'est assez intéressant. C'est un type qui s'est dit. Bah en fait, ce type-là est judéomane jusqu'au bout des ongles. Quoi. Il a fait du lèche-botte à tous les juifs qui pouvaient passer pendant 5 ans. C'était tellement gros que les juifs, Philippe, ils ont fini par soutenir Macron. Quoi. Ils se sont dit attends, le type, il arrive là, en mode énervé, etc. Oui, je vous protège, hors de moi, point de salut. En gros, c'était ça. Et puis finalement, voilà, dans ton cul. Bah en fait, le truc, c'est que ces gens-là, ils comprennent pas que ce sont les capotes de la République, en fait. C'est-à-dire que c'est des mecs à usage unique, ça. Donc Valls, tu vois, des mecs comme Valls... Non, mais il a cru qu'il était quelque chose, quoi. Ouais, bah, bien sûr. Le voir, hein, quand il allait au CRIP faire son discours, il était ouais. Là, voilà. Je suis votre votre protecteur, la République, etc., etc. Et puis au final, bah, tu l'as eu dans l'os, mon cochon. Hein. Bah ouais, c'est ça. Et puis disons que les mecs, ça, c'est des types, ils servent qu'une fois. Donc ils font le maximum. Alors tu sais, ils larbinent comme des. Alors Il a cru qu'il parlait à des nègres dans sa circonscription de l'Essonne. C'est ça, ouais. Ah, mais c'est ça, quand il va voir les juifs, il croit qu'il parle à des nègres. Bon, ben ouais, Coco, c'est pas la même chose quand même. Hein. Et comment dire, il pensait, mais ils l'ont bien fait reluire, etc. Le mec était content, etc. Il était important et tout. Et en fait, non, c'est bon, t'as servi, t'as fait ce qu'il fallait qu'il fasse, etc. T'as bien larbiné. Mais maintenant, bah, comme toute bonne capote usée, on te balance, quoi. C'est salut, quoi. Bon, allez, on va pas être trop méchant avec toi. Bon, tu vas rester député obscur dans un truc. On va voir ta sale gueule encore traîner ici ou là. Tu vas essayer de jouer les importants. Mais t'as servi, c'est fini. Tu vas faire comme tous les anciens premiers ministres. Tu vas aller dans le musée de la République française. Là, voilà, on va te mettre de côté. Bon, allez, de temps en temps... On te donnera une petite commission de ceci, une petite mission de cela, tu nous feras un rapport sur je ne sais quoi, puis voilà. Mais en fait, t'es plus rien, quoi. T'es plus rien. Ce Valls, il est vraiment emblématique de cette génération de politiciens. Ces mecs-là sont plus rien, quoi. Il a commencé, là, il était maire d'Evry, il était pro-palestinien, on n'entendait pas beaucoup parler de lui, en fait, il n'était pas très connu au sein du PS. Et puis du jour au lendemain, ils l'ont fait monter comme ça. Alors là, il est devenu le plus grand ami des Juifs, hein, puisqu'il était passé à la radio J là, pour dire qu'il était, par sa femme, éternellement lié à Israël. Et puis il a monté, il est devenu Premier ministre, et puis voilà, bah, maintenant qu'il est grillé, il s'en débarrasse. Quoi. C'est vraiment total marionnette, quoi. C'est les types, les capotes de la République, hein, c'est ça. Hein. Il aura certainement une bonne retraite. Enfin, il y a quelque chose qui va l'attendre, j'imagine, à la clé, quoi. Ouais, mais lui, ces gens-là, ils carburent au narcissisme, donc ils ont besoin de postes qui les mettent en valeur, où ils ont l'impression d'avoir de l'autorité et du pouvoir, tu vois. Mais c'est les mecs, ce qui les caractérise, c'est vraiment leur opportunisme. Parce que c'est vraiment ça, je veux dire, un jour, il est pro-palo, le lendemain, il est éternellement lié à Israël. Mais en plus, là, c'est plus l'opportuniste malin, comme Mitterrand. Tu vois, qui avait sa Francisque et puis sa carte de résistant. Tu vois, qui a réussi à monter et puis avoir une carrière, quoi. Non, non, maintenant, les mecs, c'est des fusibles, en fait. C'est plus rien. Ouais. Totalement. Mais ce mec nous a quand même fait suer pendant 5 ans. Enfin, pas 5 ans, 3 ans. De 2013 jusqu'à 2017. Mais le mec nous en a fait chier, quoi. Il a mis en place les pires saletés, la DILCRA et compagnie. Ah, oui, au niveau répression, c'est vrai que ça a été... Et puis les discours enflammés. Les pires des saloperies. Hein. Non, mais puis de toute façon, il le porte physiquement sur sa gueule. C'est une saloperie, quoi. Physiquement, c'est une salope. Ça se voit, enfin, tu le vois. Et le mec, il est hargneux, etc. Mais en fait, il arrive au pouvoir que parce que, enfin, dans des combines d'appareils bidons, etc. Et le mec a cru qu'il existait, quoi. Mais non, il n'existe pas, c'est un tocard. Et le pire, c'est qu'il a fait le sale boulot, mais maintenant il est grillé. Ouais. Parce que tout le monde le déteste. C'est ça, ouais. Aussi bien à gauche qu'à droite. Oui. Il passe déjà de une pour avoir fait appliquer le programme d'Hollande et Hollande était détesté. Ensuite, il passe pour avoir été le traître à Hollande, alors qu'il avait dit jusqu'au bout « La vie de ma mère, la vie de ma mère, je ne vais pas y aller contre toi, la vie de ma mère !» Mais voilà. Donc ce type-là, une image déplorable, alors que bon, le nouveau roi, là, Macron, là, il a bien joué son truc, quoi. Il a bien joué son coup. Hein. Et maintenant, il va finir humilié par Emmanuel Macron. Autant dire qu'il finit dans une explosion de chiasse, quoi. Il y a une différence de QI entre les deux. Hein. Ouais, je crois que c'est clair. C'est carrément net, quoi. Ah ouais, il a vraiment eu dans l'os. Hein. C'est pathétique, hein, franchement, c'est pathétique. Enfin voilà, donc le Rome de la République française, remercié, même pas en fait. Voilà, ouais, il sera députas dans le coin. Là, voilà, profitons de nos petits plaisirs de voir Valls humilier, c'est quand même sympa. C'est vrai qu'on doit se contenter de peu, je dois bien l'avouer. Mais enfin bon, celui-là, c'est un petit plaisir que je renie pas, moi, voyez. Bah d'ailleurs, Emmanuel, demain, en allant aux toilettes, je penserai à toi. Enfin, bonne résolution. Petit souvenir ému. Voilà, c'est dit. Bon, ben on enchaîne, chers amis. Alors, rubrique numéro 2. Mais vous allez voir que ça fait un peu le lien, finalement. On parlait d'Evry, de Propalo, qui devient tout d'un coup pro-juif, etc. Ça s'appelle souverainisme bougnoulique. Un thème qui, je crois, a du futur et du potentiel. Oui, je fais référence à Asselineau. Qui aurait dû normalement gagner l'élection présidentielle, mais j'ai pas compris pourquoi il a pas gagné. Des magouilles, des trucages. Voilà, c'est ça. Voilà. Je crois, il a même pas fait 1%, je crois. Officiellement. 0,9. 0,91 ou 12, je sais plus. Bon, en fait, il a fait 49% au premier tour, mais bon, il y a eu des trucages. Il avait fait une interview pendant l'entre-deux-tours pour dire que face à Macron, il aurait été le seul en mesure de l'emporter. Il a une cigare, hein, la vie. Hein. C'est-à-dire, c'est ça qui est dramatique, c'est que maintenant, les gourous de secte peuvent aussi se présenter à la présidentielle. C'est ça qui est nouveau. Je pense que le mec du Mandarum, là, il aurait pu tenter son truc, en fait, maintenant. Tu vois, il aurait dit, oui, mais les Lémuriens, etc. Tu vois, je pense que ça aurait pu marcher. On a encore Raël et Sylvain Durif, hein, qui ont toutes leurs chances pour la prochaine. Hein. 2022. Sylvain Durif 2022, ne perdons pas espoir. Alors, Asselineau. Candidat dans En Seine-Saint-Denis dans le 93. Je cite l'article qui fait état de ça. Chez les nègres. Il se décrit comme le candidat de la libération nationale. Prône la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. François Asselineau promet un programme fondé sur la création d'emplois, la justice sociale et la justice tout court, la sécurité, le logement, l'honnêteté en politique et la fin de la participation de la France à des guerres néocoloniales. Néocoloniales. Je répète, hein, pour que les gens l'entendent. La circonscription, qui comprend les villes d'Aulnay-sous-Bois, Pavillon-sous-Bois et de Bondy-Sud-Est, est aussi celle où le nombre de voix en faveur du Frexit, donc la sortie de la France de l'UE, a connu la plus forte progression par rapport aux élections régionales de décembre 2015, argumente François Asselineau. Il se dit particulièrement heureux et fier de se présenter devant les électeurs de cette circonscription, dont une forte proportion constituée de Français issus de l'immigration, dit-il, et ambitionne, je cite encore, de leur redonner foi en la France. Je pense que ça va marcher. Hein. J'en appelle à nos auditeurs habitant l'Île-de-France, mais moi, quand j'entends Aulnay-sous-Bois et Bondy, Je pense qu'on doit être il doit frôler le record de nègres, tu vois, parmi ses électeurs. Je pense que ça va être la circonscription où la proportion de nègres est la plus importante en France. Hein. Et ben pourquoi? Et en tout cas, je sais pas, il veut peut-être abolir le franc CFA, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de... Ouais, c'est pas pour ça, voilà, c'est la francophonie, là, c'est la francophonie, hein. Alors voilà, Asselineau, en fait, en même temps, il est cohérent, c'est-à-dire qu'il veut sortir la France de l'Europe, mais au sens strict. Voilà, la mettre en Afrique, à voilà. Enfin, bon, ceci étant, c'est déjà fait, quelque part. En même temps, tu vois, c'est ça, il n'a pas trop besoin de se casser le cul, puisque de facto, tu vois, Bondy et Aulnay-sous-Bois, ça fait très longtemps que ça a quitté l'Europe, hein, donc en même temps, bon, je veux dire, voilà. Quoi. Oui, il a bien choisi là où il allait se présenter, il se facilite un petit peu la tâche. Alors, je remarque qu'il est contre les guerres néocoloniales, oui, je trouve qu'effectivement, c'est très ambitieux. Je sais pas de quelle guerre néocoloniale il parle, mais bon. Voilà, la guerre néocoloniale des Algériens contre la France. Je suis pas sûr que ça soit sa cible préférée. Ah bon, c'est étonnant. Ouais. Mais bon, apparemment, en tout cas, il est contre tout ce qui est méchant et pour tout ce qui est gentil, quoi. Donc gentil d'un point de vue nègre. Hein. Ah oui, bah évidemment. Que la logique de la construction européenne, c'est la logique de l'apartheid. Hein. Faut le rappeler. On l'a vu hein, ces 5 dernières années avec Angela Merkel qui nous a déversé des cartes. Ah bah elle a fait l'apartheid, elle a séparé les nègres, les Syriens, tout ça. Voilà, elle dit ça. Ah, mais atroce, un truc intolérable. Plus jamais ça. Et donc François Asselineau, là-dessus, il arrive et il dit stop. Tu vois, il se pose courageusement, il fait opposition virile de son corps. De sa graisse. Exact. Bah oui, c'est vrai qu'il trimballe un peu ses gigots flasques un petit peu partout en essayant de défendre quand même les bamboulas de France qui faut le dire, les bamboulas en France sont tellement persécutés, tourmentés comment dirais-je, ostracisés par les... Ah bah c'est invivable, c'est invivable. Oui, c'est invivable. Alors, les policiers, les pourchassent jusqu'à les tuer sur des quads, ouais. Donc voilà. Hein. Ouais, ça en dit long. Et mais... Un homme s'est dressé face au 4e Reich, qu'est l'Union Européenne, d'Angela Merkel, face à ces hordes de nazis syriens, irakiens, afghans et pakistanais, François Asselineau, faisant donc composition de sa Grèce pour protéger nos nègres à nous, c'est-à-dire nos nègres francophones et francophiles. François Asselineau nous propose une alternative à Bondy. Alors, chers amis qui nous écoutez, si vous survivez, vous qui êtes des Blancs, vous survivez encore à Bondy dans vos caves et que vous êtes rongé par le virus du racisme et de la xénophobie, pour ne pas parler de l'islamophobie, qui est consubstantielle chez vous, on le sait, c'est le moment de vous racheter. Votez François Asselineau aux prochaines législatives, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. Le message est passé, j'espère que tout le monde l'aura entendu. Pas de protestation ? Non, je pense que c'est le bon moment de se purger de tous ces péchés antérieurs, et voilà, votez François Asselineau, allez-y avec le cœur, faites un geste, pour nos nègres, pour la francophonie, pour tout le monde, allez-y, voilà. Oh mon dieu, putain, non mais c'est beau, moi ça m'inspire, je peux pas dire le contraire. Ah bah c'est la souveraineté de la France, hein. il faut que ça inspire, hein. C'est important. La souveraineté. Oh, je me tiens les couilles, sans déconner. Oh mon dieu. Oh, mais la démocratie, c'est ça, j'aime bien la démocratie, c'est magique, ça permet à tout le monde de faire n'importe quoi. Rubrique numéro 3, chers amis, c'est la rubrique, allez, misère sexuelle de la semaine. Peut-être. Ouais, non, moi je trouve que magie de la réconciliation, moi je suis. D'accord. Alors, je précise que Astérix nous a rejoint. C'était l'invité surprise qui était prévu. Il est avec nous. Ah bah pour la minute amoureuse, je me sentais obligé de ramener ma connaissance en la matière. Ouais, c'est conseiller du cœur, faut le savoir. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une ancienne militante Front National qui est tombée amoureuse d'un migrant hein, dans la région de Calais. C'est beau. Je vous fais écouter les petits passages de cette histoire d'amour mise en avant par les médias très complaisamment, et on se retrouve tout de suite derrière. On s'est regardé et ça a fait comme un flash. Ça s'est passé tout de suite au niveau du regard. Il était policier à la police de l'arrêt des frontières. Lui votant Front National, automatiquement, il fallait que je vote Front National. Donc j'ai été sollicitée pour pouvoir être sur les listes électorales. Bah, j'ai suivi et puis j'étais payée pour tracter. Pour moi, je cherchais même pas à comprendre. Je prenais les infos à la télé. C'était des gens qui fuyaient leur pays. Mais je pensais pas à la notion de guerre ou de torture. Je pensais plutôt à des gens qui fuyaient pour un souci économique, en fait. Les discours qu'on entendait autour de nous, c'était ils viennent, ils vont profiter des aides de l'État, les allocations, le chômage, etc. Je venais de voir quelque chose que je supportais pas. Je me suis dit, on peut pas laisser les gens vivre comme ça, c'est pas possible. Un jour, j'arrive et il y a une fille qui me dit « il y a des Iraniens qui se sont cousus la bouche ». Je suis rentrée, ils étaient alignés sur des coussins, ils étaient assis. Là, j'ai pas pu retenir les larmes. C'était trop, trop fort. On s'est regardé et ça a fait comme un flash. J'étais là pour aider et je recevais quelqu'un chez moi pour aider, ça s'arrêtait là. Pour moi, il était inconcevable d'avoir une histoire d'amour avec quelqu'un qui m'a dit bah, écoute, fais que tu peux faire quelque chose, ferme les yeux, juste 2 secondes. Et puis bon, bah, là, on s'est embrassé. Voilà comment a commencé l'histoire. Et il me dit je vais pas rester bloqué ici après tout ce que j'ai fait. Puis il me dit bon, j'ai traversé la Méditerranée, la Manche, un petit truc. Le 18 août, il y a 3 fonctionnaires de police qui arrivent à mon travail et qui me disent, ben voilà, madame, vous êtes mise en garde à vue. Je préfère ma vie maintenant, oui. J'irai plus tracter pour elle. Alors, les amis, bon, évidemment, les médias, les médias gauchistes s'en font leur chou gras. Allez, Fred, qu'est-ce que ça t'inspire ? Bah, déjà, moi, j'ai eu l'impression de voir Didier Bourdon, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire, c'est cette personne a un look assez singulier, n'est-ce pas ? Donc, effectivement, tu disais, c'est vrai, hein, chronique, misère sexuelle, bon, j'imagine que... On apprend, je crois, hein, il me semble, dans l'histoire, dans son témoignage, que son mari est mort il y a quelques années, etc. Donc, le mari qui votait Front National est mort... Et effectivement, vu que depuis, alors je ne sais pas si elle a toujours été comme ça, mais moi j'imagine que depuis elle a pris 50 kilos et qu'elle ressemble à un homme, hein, bah oui, elle a des problèmes. Voilà, elle avait dû les avoir avant. Hein, c'est possible, oui, enfin avant elle en avait 20 trop, puis maintenant elle en a 40, quoi, tu vois, c'est comme ça. Et donc effectivement, ayant un petit peu de mal à se caser, à trouver un peu d'affection masculine, voilà, Mokhtar, iranien. Ça s'est passé tout de suite au niveau des yeux. Alors je sens, je suis persuadé que Mokhtar, en voyant ce gros tas de chiasses, non, mais il a dû vraiment, voilà quoi, l'amour, le coup de foudre immédiat, Mokhtar s'est senti, voilà. Hein. Et d'ailleurs, précisons donc, que Mokhtar s'est quand même tiré en Angleterre, quoi qu'il arrive, hein, je veux dire. Oui, c'est-à-dire, oui, effectivement, Mokhtar ensuite s'est tiré en Angleterre, il l'a laissé un peu derrière, il se voit de temps en temps, mais bon, hein, il n'est pas resté trop longtemps avec la grosse, quand même. Hein. Donc, mon avis, alors, cette connasse va quand même tous les 15 jours, apparemment, en Angleterre. Pour la thune. Pour se faire piner, oui. Et lui filer de la thune. Voilà, c'est ça, lui filer un peu de thune. Non, mais hey, qu'est-ce qu'elle fait, monsieur? Je croyais que ces gens étaient pauvres, etc., machin, qui votaient Front National parce qu'ils étaient à moitié communistes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Bah, écoute, en tout cas, je sais pas, mais il me semble que, comment dire. On est un besoin assez pressant. Alors je sais pas, c'est bon, l'hitlérisme préconisait de faire beaucoup d'exercices physiques aux jeunes femmes, etc. Là, je sais plus ce qu'on peut en faire, hein, si ce n'est les jeter au lion, je sais pas. On peut les jeter en pâture aux nègres. Hein. Oui, enfin les balancer au-dessus de l'Afrique, je sais pas. Non, mais les grosses, comme c'est un fléau parce que, enfin, c'est surtout un fléau parce qu'on leur donne la liberté de travailler, donc d'avoir leur indépendance économique ou la liberté de bénéficier d'allocations de l'État, etc., etc. Et donc après, effectivement, elles vont librement, avec leur corps de bibindum de 200 kilos, aller se choper du Mokhtar, du Mamadou, etc., et sauver l'Afrique, évidemment, pour ne pas avoir à s'avouer qu'en fait, ce sont des gros tas imbaisables par n'importe qui, ayant un minimum de... Voilà, de discernement, quoi, ouais. Oui, voilà, non, mais c'est un fléau, c'est vraiment un fléau, c'est-à-dire, c'est une... Je veux dire, il y a des gens qui vont dire, on est méchants, voilà, les femmes, des formes, tout ça, oui, alors des formes, peut-être, pourquoi pas, mais alors là, c'est une barrique. Il y a une différence entre déforme et difforme. Voilà, déforme, difforme, ça n'est pas la même chose. Donc là, à un moment, il faut s'arrêter. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait de tous ces gros tas de viande? Voilà, mesdames, il va falloir qu'on trouve une solution quand même, parce qu'on ne peut pas juste vous laisser importer des nègres, parce que vous avez dû agir. Les hommes, l'état, la misère sexuelle chez les hommes, c'est un problème à toutes les époques. Bon, alors aujourd'hui, effectivement, c'est un peu particulier, mais à toutes les époques, voilà, alors il y a eu la prostitution, ceci, cela, voilà. Bon, on n'est pas non plus allé ramener la moitié de l'Afrique pour répondre à ce problème, hein. Donc, mesdames, il va falloir arrêter les conneries, là, c'est plus possible. Sinon, ça va finir en lampe à huile. Ah bah, je sais pas en quoi ça va finir, mais il va falloir trouver une solution radicale, tu vois. Bon, bref, passons, certainement quelqu'un d'autre à... La solution radicale, on peut envisager White Watchers, par exemple, vous voyez. Ah, moi, je suis juste stupéfait, en fait, parce que je savais pas que ma mère était passée à la télé, voilà. Ah, c'est une confession que nous fait Hopman. Astérix. Moi, cette grosse laitière, si tu veux, je pense que le pire dans tout ça, c'est qu'elle est même pas si dégénérée que ça, en fait. C'est-à-dire que c'est une femme, tu vois, c'est la grosse laitière qui aurait dû avoir 6-7 marmots. Celle-là, dans les pays latins, tu vois, c'est la mama d'un quintal qui a ses 8 marmots qui lui tournent autour. Et tu vois qu'elle a de l'amour à donner. Parce que pour en donner, pour aller jusqu'à en donner à Mokhtar Ben Mokhtar, faut vraiment en avoir en trop, tu vois. Donc manifestement, c'est une femme aimante. Et en fait, les femmes, on leur demande pas d'être intelligentes, on leur demande, mais simplement, elle a personne à aimer, la pauvre. Elle a pas de gamin, son mari est mort et tout. Donc, et puis vu que bah, c'est une grosse conne et tout, bah, le petit Mokhtar qui avait un chèque à trouver et tout, il a été là. Mais moi, ce que je trouve dramatique dans cette situation, c'est qu'elle me semble facilement généralisable, quoi. Si on avait affaire à une tarée totale, bingo, tu vois, limite, ça serait... Mais là, je pense que dans le monde moderne, elle est plutôt dans la moyenne, quoi. C'est une grosse conne lambda, quoi, comme il y en a des millions en France. C'est pas faux ce que tu dis, Asté. Les femmes, de nos jours, on fait pas assez l'emphase sur... leur rôle principal, hein, qui est celui d'être la mère d'une couvée, hein, d'une portée, et de pouvoir justement guider des enfants vers l'âge adulte, et d'aimer sans condition, sans limite, et d'être aussi aimé en retour pour ce qu'elles sont, tant par leur mari que par leurs enfants, et aussi également par la société. Et c'est vrai qu'elles ne fulfillent pas, elles ne remplissent pas en fait ce qui est prépondérant pour les femmes, quoi. Et c'est pour ça qu'effectivement, bah, t'en as comme ça qui se cherchent. Bah, alors, soit t'as la misère sexuelle, effectivement, et il y en a qui veulent être juste ramonnés, soit effectivement d'autres qui vont chercher à donner et à recevoir de l'amour qu'elles pourraient avoir, justement, comme tu le dis si bien, avec une famille, quoi. Ouais, mais enfin, là, moi, je mets un petit peu un frein à toutes ces conneries. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il n'y a pas besoin qu'on t'explique par A plus B que tu vois un putain de Mokhtar qui vient d'Iran, c'est juste un pouilleux qui va... Surtout qu'elle était au Front National, excusez-moi, quand même. Non, enfin, ouais, enfin, précisons que c'est son... Elle dit, oui, c'est mon mari qui m'a forcé. Bon, oui, bon, voilà, hein. Et on n'a pas besoin d'expliquer qu'un Mokhtar qui vient d'Iran pour passer en Angleterre, il utilisera n'importe quel moyen pour... Mais elle est conne, et là je suis d'accord avec ce que tu dis, il y a combien de millions de connes du même genre, tu vois, qui se laissent abuser, parce que Je connais un mec, il avait une formule. Il disait, les femmes, c'est comme les lapins, on les attrape par les oreilles. Et c'est exactement ça, je veux dire. Un mec, il va raconter n'importe quoi. Alors imagine, une espèce d'aigre fin qui vient d'Iran ou de je ne sais quel trou à la con. Il va raconter toutes ses conneries. Elle, comme une grosse idiote, elle va courir derrière, voilà. L'autre, il va courir devant. Bon, ouais, c'est réglé. Et puis là, je suis même sûr qu'il se parle même plus, quoi. Alors, Pourovi, tu voulais parler là-dessus ? Ouais, je voudrais féliciter les mecs là, qui ont fait la vidéo reportage. Là. C'est quand même magnifique, ces médias gauchistes qui ont la magie, tu vois, de faire passer cette histoire qui est quand même assez glauque, parce que c'est une histoire de misère sexuelle et sûrement de misère aussi sentimentale, pour une magnifique romance. Ouais. Bah, c'est quand même bien. Oui, Mokhtar devient le prince charmant. Hein. Exactement. Mais c'est vraiment mais le sketch total avec la meuf, effectivement, qui ressemble à Didier Bourdon, mais elle est là à raconter son histoire. Oui, on était, je l'invite chez moi, mais il n'était pas question de relation ou que ce soit. Mais il m'a dit de fermer les yeux, et puis là, on s'est embrassés. Mais c'est pas possible, on dirait un script. Hein, mais ouais, si ça se trouve, c'est vrai. Ils étaient deux, hein. Ils étaient deux de les miens. Elle a oublié de raconter aussi que pendant qu'elle a fermé les yeux, effectivement, il l'a embrassé, il lui a aussi pété l'arfeuille. Mais bon, ça, elle le précise pas dans le. Bon, alors, par contre, je confirme un truc, hein, c'est quand le prince charmant a embrassé la grenouille, elle est restée une grenouille hein, entre temps. Et puis, le prince charmant s'est barré en Angleterre aussi, quoi, tu vois. C'est ouais, vraiment c'est, la belle c'est... histoire ah, non, mais, d'amour. De grenouille, elle est passée à crapaud. Non, mais ça aujourd'hui, c'est. Bon, c'est vraiment le truc vraiment pervers, c'est toute cette chasse autour de l'amour, qui est vraiment un truc pour légitimer la connerie des femmes, quoi. Bah, il ne s'agit pas d'amour, il n'y a rien de beau là-dedans, c'est de la misère sexuelle et de la misère émotionnelle. Ça légitime, alors pour être tout à fait égalitaire, n'est-ce pas, puisque c'est quelque chose qui nous tient à cœur ici, oui, ça légitime, l'amour légitime aussi beaucoup la connerie des hommes, tu vois, un petit peu bolos sur les bords, hein, qui aiment bien s'acoquiner avec des femmes totalement oui, destroy, voilà quoi. Ça marche dans tous les sens, hein, il n'y a pas de problème. Du syndrome de l'extrême droite à se taper des beurrettes, c'est ça ? Oui, non, non. Des beurrettes, des dépressives, tout ce que tu veux. Il y a quand même qu'il y ait des hommes dévirilisés, d'accord. Mais ce genre de comportement, c'est typique de la femme. C'est-à-dire qu'elle était mariée à un mec FN, elle est au Front National. Maintenant qu'elle s'en seule, elle écrit des livres pro-migrants, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Elle écrit. Elles ont aucune consistance. En fait, c'est surtout que les hommes n'ont pas besoin de chercher des excuses pour laisser libre cours à leur pulsion sexuelle. Alors que les femmes sont obligées de se trouver des raisons, entre guillemets, valables. Tu vois, de chercher l'excuse qui fait que, oui, mais tu comprends, c'était de l'amour ou c'était le coup de foudre, j'ai craqué, j'ai cédé. C'est... Alors qu'un mec, il ne dit pas ça. Il y a un mec qui dit, j'ai envie de piner, voilà, fini, je rampe. Oui, c'est ça. Je trouve que vous êtes encore, enfin, vous cherchez encore pour certains, hein, moi je sais pas la vie de tout le monde là-dedans, mais moi je pense que les femmes, au fond, n'ont aucune fibre. Enfin, on dit souvent que les femmes, enfin, il y a des gens en tout cas qui disent ça, que ce sont les gardiennes d'une certaine morale ou que le niveau de pureté des femmes, etc. En fait, les femmes sont simplement, pour moi, à mon avis, hein, des conformistes. Biologiquement, ça c'est la reproduction, c'est ce qu'est la reproduction, c'est du conformisme, c'est de reproduire le schéma déjà existant, etc. etc. Et donc, en fait, elles ont aucune fibre morale, mais alors vraiment aucune, et quand tu leur donnes de la merde, tu leur donnes du caca à reproduire, elles reproduisent du caca, et c'est ce qui se passe. Et moi, personnellement, je n'attends absolument rien sur le plan moral, alors je sais pas, hein, certainement, vous avez quelqu'un va me donner un contre-exemple, ou voilà, il y a un auditeur qui va protester ou une auditrice qui va protester. Moi, je pense que les femmes n'ont absolument rien de moral, pas un atome de moralité dans leur biologie, et qu'en réalité, elles sont entièrement façonnées par leur environnement, et que quand tu leur donnes un environnement fait de merde, eh bien, elles reproduisent exactement ça. Et c'est pour ça qu'il faut, comme l'appelle notre ami Anglin du Daily Stormer, la charia blanche. Voilà, hein, il faut qu'on mette ça en place le plus vite possible. Ah putain, la charia blanche, tu nous vends du rêve. Bah non, bah, c'est programmé. Hein. Mais en fait, ni l'homme, ni l'homme, ni la femme ne sont moraux au départ, en fait. On a juste des impératifs biologiques. L'homme, celui de répandre ses spermatozoïdes dans un maximum de vagins pour féconder un maximum d'ovules, et la femme de sélectionner celui qui va être le meilleur reproducteur possible. Ah, tu vas trop vite en besogne, parce que l'homme, pour arriver à assurer la pérennité de son existence et de celle de sa progéniture, va généralement essayer de créer un ordre, tu vois. Et alors on peut dire que c'est pas moral, que c'est en fait au fond quelque chose de selfish, d'égoïste, mais il va quand même arriver à créer un ordre, n'est-ce pas? C'est ce qui fait que voilà, on arrive à créer une tribu, voilà, une nation, une civilisation, des empires, etc., etc. Alors que les femmes laisser à leur libre cours, au cours de leur imagination, de leur pulsion, vont juste créer un chaos monstrueux, dans le, enfin, ça sera l'état d'ordure. C'est le cas. Il faut savoir qu'il existe, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a un mouvement matricien, hein, dans la dissidence, voilà. Mais si on s'intéresse aux sociétés qui ont perduré, enfin les sociétés matriarcales, entre guillemets, où la femme a gardé un rôle prépondérant dans l'organisation, entre guillemets, hein, avec des grosses guillemets, de la société, ce sont des tas d'ordures, c'est-à-dire ce sont des endroits désorganisés avec aucune capacité à résister à un envahisseur potentiel, à une tentative de captation des ressources, etc. C'est juste, ça n'est pas viable, c'est-à-dire ce sont des trous à merde qui ne sont pas, qu'on ne va pas défoncer tout simplement parce que personne s'y intéresse. C'est ça, la finalité de la femme mise dans le rôle de l'organisatrice de la société, c'est... on fume des joints, et puis on vit dans un tas de merde, et parce que c'est tellement un tas de merde, personne ne s'y intéresse, façon, et personne ne vient nous embêter. Façon, tu parles de la société de la femme ou la société des juifs? J'ai pas fait bien la différence. C'est pas loin, en fait. Est-ce qu'il y a une différence? Voilà. Comment dire, le truc, c'est que il faut c'est un test que tout le monde peut observer, en fait. Vous mettez des hommes entre eux, vous mettez 30 hommes entre eux. Il y aura évidemment des gens qui vont pas s'aimer, il va se créer des coteries, quoi, des groupes et tout. Mais l'ordre, il va être maintenu. C'est-à-dire qu'il y aura quand même une cohésion de groupe, etc. Il y aura un phénomène organisateur, en fait. Vous mettez 30 femmes entre elles, elles se crêpent le chignon comme vous avez jamais vu des femmes se crêper le chignon. Elles s'insultent, elles se hurlent dessus, c'est invraisemblable. Et ça résume toute la situation, en fait. Et si vous mettez des femmes dans un rôle majeur politique, comme nous on le fait, mais je veux dire par la force de la loi, c'est-à-dire qu'on impose un quota de femmes dans les postes à responsabilité, ce qui équivaut pour moi à un suicide complet, hein. Mais de toute façon, dans la grande phase du suicide, donc on met des nègres, on met des femmes partout, voilà. Bon, vous faites ça, bah, qu'est-ce que vous faites techniquement? Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous êtes en train de créer un flot d'œstrogènes dans les organismes de prise de décision. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Bah, évidemment, c'est l'hystérie, c'est le primat de l'émotion, des pulsions. C'est le désordre, tout simplement. Voilà, et c'est ça qui, ça participe. Du chaos. Et donc, on va nous accuser encore d'être misogyne. On s'en fout, parce que nous, on veut établir la charia blanche. Alors, je dis, la femme est vraiment l'alliée du système, parce que, comme Frédéric disait tout à l'heure, c'est une conformiste, donc elle reproduit. Mais en même temps, il y a ce côté aussi dissolvant, je veux dire. C'est vraiment quelque chose de... C'est un peu la force centrifuge. Elle dissout tout. Donc vous pouvez, avec une femme dans les postes clés de la société, vous avez deux possibilités. Soit on fait du surplace, soit on avance vers la décadence. C'est l'un ou l'autre. Ouais, mais évidemment, parce qu'en fait, la femme comme ça isolée, c'est une catégorie qui a été inventée par le système, par les modernes, quoi. Normalement, la femme, elle est mère ou elle est fille, elle a un rôle qui qui est le rôle d'une cellule dans un corps, tu vois, et avec le corps qui est la famille, quoi. Mais la femme isolée, c'est évident que c'est un être nuisible, mais comme l'homme isolé, le mâle... C'est-à-dire qu'elle est mère, elle est fille... Le célibataire de 35 balais, de 40 balais, il peut être dangereux aussi, a priori. Elle est mère, elle est fille ou elle est pute. Et en fait, ce que la société moderne a fait, c'est que on a enlevé les mères et les filles, quoi, parce qu'être mère, c'est plus intéressant maintenant, on arrête. Et on a créé des putes partout, en fait. Ouais, voilà, mais par contre, pour quand même contrebalancer, enfin, c'est-à-dire que, évidemment, elles ont des limites. Les femmes, c'est, pour faire simple, ça serait plutôt la sensation, des êtres plutôt branchés sur la sensation, et nous, on est des êtres plutôt mentaux, cérébraux, et du coup, nous, on arrive, en fait, à se régler, on arrive à régler presque notre chimie du corps par la volonté, alors que les femmes sont des êtres intégralement hormonaux, pardon. Si tu veux, l'homme, évidemment, on a des hormones et tout ça, mais on a une volonté qui nous permet de les canaliser. La femme, sa morale, elle existe, c'est-à-dire que si ses hormones sont à basse intensité, la femme, elle va exprimer exactement la même morale qu'un homme. Mais le problème, c'est dès que ses hormones vont monter, la femme sera complètement sujette à ses hormones. Et là, la morale va s'effacer face à sa passion, et c'est ça le gros problème. C'est pour ça que pour nous, elle semble souvent être des êtres immoraux. Pardon. Mais en réalité, non, c'est juste qu'elles sont trop hormonales, quoi. Bah, enfin, oui, enfin, elles sont... Enfin, bon, on aura probablement cette discussion une autre fois, mais ça pose la question du mariage, c'est-à-dire du cadre contraignant, à la fois pour l'homme et pour la femme, parce qu'en fait, cette femme-là, elle est veuve, elle aurait dû être remariée immédiatement avec un autre homme, ou alors elle aurait dû assumer son veuvage, mais le fait est aussi que l'homme blanc porte une lourde responsabilité, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que la femme, quand elle fait de la merde, c'est uniquement parce que l'homme blanc veut bien qu'elle fasse de la merde. Donc il ne faut pas dédouaner l'homme blanc de... Notamment les pères de la génération du baby-boom qui ont été permissifs à souhait et qui ont laissé faire absolument n'importe quoi, n'importe qui. Ça n'a pas commencé à ce moment-là, mais c'est vrai que ça a pris une ampleur absolument démesurée. Bon, d'accord, on va se faire une pause musicale sur ces bonnes paroles, et on se retrouve tout de suite après pour le gros débat de la semaine. On va régler des comptes, on va écorcher des noms, on va établir des bilans, ouais, les sulfateuses vont être de sortie, je pense. On va faire monter le niveau, on va s'en sortir par le haut, tout va bien se passer. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. Ok, c'est jamais du trèfle, tu fais le voyou avec moi. Partout autour de nous, y'a des arabes, l'imam Abdel Fattahraoui, Tariq Ramadan. Y'a des signes d'espoir dans les regards. Je baisserai les cotisations. Bonjour, oui, je suis candidat à l'élection présidentielle. Nous devons refuser les amalgames. Mélangeons demain dans un refrain nos visages. Métissage. C'est faux. Here comes the new challenger. Mais voyez, il y a des gens qui sont là depuis 1000 ans, et qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali. Excusez-les, ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. C'est con, hein, je reconnais. C'est bas. C'est bas et c'est pas tellement altruiste. C'est leur vie. C'est la réalité de cette histoire. Qui a le droit? Qui a le droit? Regardez, j'ai le droit! Non, non, t'as pas le droit. T'as aucun droit pour moi. Un petit vrai. Dans ce cas, t'aurais pas dû m'inviter. Non, non, maman. Il y a plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul soleil. Ben voyez, oui. Merci, monsieur le professeur. Mais le soleil, il brille ou bien il brûle. La f**k, il bouclait la boule, c'est... Il brûle. La race de sa mère. Ensemble on avancera, main dans la main, et on chantera ensemble. J'ai réglé le viseur. Mise en position. On a sur le cœur des rêves en couleur. La couleur ne compte pas, c'est la race qui compte. Chercher le bonheur, l'aventure sous la peau. Alors moi, vous êtes plutôt pour moi un martiniquais. On chantera encore. Je pense qu'il faut que vous réémigrez à Martinique. il fera connaissance, c'est le pays de ses ancêtres. You can't stay scum the less scum. Le capitalisme vaincra. Nous revoici pour cette deuxième partie d'émission de Démocratie Participative, saison numéro 2, épisode numéro 18. Et cette semaine, nous allons faire en fait le grand débriefing de ces élections présidentielles. Et plus spécialement, on va parler du Front National, on va parler des protagonistes aussi qui ont joué leur rôle, on va dire, subversif, pervers, destructeur, hein, voilà, vous allez vite savoir de qui on veut parler. Bon, ça va être un tour d'horizon assez large, chacun va pouvoir s'exprimer, ça me paraît à peu près clair. Sans transition, l'abandon de Marion Maréchal Le Pen. Alors, bon, on va pas passer forcément beaucoup de temps sur ce cas précis. Enfin bon, ça a surpris beaucoup de gens. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Marion Maréchal Le Pen, pratiquement, à l'annonce des résultats, hein, le lendemain, quelque chose comme ça, abandonne son rôle, enfin sa fonction de son mandat de député, son mandat d'élu régional. Elle menait l'opposition régionale en Provence, Alpes-Côte d'Azur, hein, aux côtés de Philippe Bardon notamment. Donc, elle abandonne ses mandats et elle dit qu'elle veut partir vers le privé. Hein. Et cette décision intervient au moment en fait où il y a quand même, enfin ça me paraît absolument clair, une désillusion complète vis-à-vis de Marine Le Pen, un rejet dans la base et chez les cadres, en tout cas une partie importante des cadres, de Florian Philippot et de sa ligne gauchiste. Enfin, clairement, il y a une... comment dire, c'est un peu le moment gueule de bois, quoi, j'ai un peu envie de dire. Et Marion Maréchal Le Pen se retire. Alors, passons en revue les réactions. Oh, je vais y aller si, ouais, si vas-y, ça n'inspire personne. Bon, disons que déjà, moi, j'ai lu dans un des comptes rendus, une des interviews qu'elle a données, qu'en fait, elle se retirait, enfin, elle reculait pour mieux revenir, quoi. C'est-à-dire que, voilà, elle allait faire repasser dans le privé, parce que déjà, elle adorait le monde de l'entreprise. Bon, on pourra commenter ça plus tard. Et que, non, vas-y, commente ça maintenant. Elle pensait avoir besoin d'y passer, voilà, parce que jusqu'à présent, elle a été privilégiée, elle avait eu son mandat donc de députée européenne, je ne sais quoi, très très tôt, elle est quand même assez jeune. Non, députée France, à l'Assemblée nationale. Ah, merde. Excusez-moi. Bref, et donc, elle se sentait privilégiée, elle avait besoin d'avoir, de se construire une expérience professionnelle, etc. Ah, pour mieux revenir plus tard, si jamais la France avait besoin de... Voilà. Donc en fait, elle ne se retire pas définitivement, elle l'avoue, c'est même pas un retrait définitif, ça n'est pas Lionel Jospin, hein. C'est vraiment, je pars en retrait un petit peu, voilà, et puis voilà, si vous avez besoin de moi, hein, peut-être, dans un futur plus ou moins proche, eh bien, vous m'appelez et il est possible que je revienne. Hein, c'est voilà. Donc on sent déjà toute l'anguille, hein, toute l'arnaque qu'on nous prépare, c'est-à-dire que oui, elle va revenir en Jeanne d'Arc. Alors on a beaucoup d'imagination en France, hein, c'est-à-dire qu'il y a une femme en politique, c'est Jeanne d'Arc. Alors, c'est tout Jeanne d'Arc, même Electre, c'est Jeanne d'Arc, donc tout le monde est Jeanne d'Arc. Donc Marion Maréchal Le Pen aussi est très inspirée. Bon, Marion Maréchal Le Pen, Fredo, c'est pas Electre. Oui, bah écoute, je disais que effectivement, elle avait l'intention de se retirer pour mieux revenir, et donc il n'y avait pas vraiment de sincérité là-dedans. C'était juste un énième calcul politicien, hein, pour mieux éventuellement reprendre l'ascendant sur le Front National une fois que peut-être Marine Le Pen, Florian Philippot ou d'autres seraient partis. On ne sait comment, mais voilà, c'est un calcul. C'est un calcul. Astérix, donne-nous ton opinion. Écoute, moi, Marion Maréchal Le Pen, je ferai tout pour la sauver. Hein. De toute manière, là, des filles comme ça, moi, c'est simple, j'en ai jamais croisé. Genre, hein. C'est clair. Une femme aussi intelligente, aussi brillante, aussi même qui reste féminine, quoi, dans sa façon de se recoiffer, sa façon de marcher et tout. Elle est complètement féminine tout en étant dans le monde des hommes et tout. Elle leur met des volets à tous, les uns après les autres, des vieux requins de 55 balais. Elle arrive, elle défend le. Enfin, Après, malheureusement, on l'a fait taire au FN. C'est vraiment, là, pour le coup, c'est laisser la Ferrari à l'écurie, quoi. Quand t'as une pouline comme ça, c'est évident que là, elle est enchaînée, quoi. Il faut qu'elle aille se ressourcer un peu, puis qu'elle revienne. Mais c'est un super plan. Par contre, c'est vraiment le bon plan, parce qu'elle, elle convient parfaitement. Elle est incontrable. Cette femme-là, c'est simple. Dès qu'elle aura un peu plus de charisme, un peu plus de, tu vois, l'assise, quoi, de la femme sur d'elle et tout, sur d'elle et dominatrice, voilà, il y aura plus rien qui pourra l'arrêter avec ses petits réseaux derrière elle, tous ces courtisans là qui soutiendront le truc, c'est évident, hein. Elle a le pouvoir qui lui est réservé, quoi. D'accord, Derek. Marion Maréchal Le Pen, qui, je crois qu'elle est déjà divorcée, même pas 30 ans, a déjà un gosse, qui, il y a quelques années, fricotait avec des Tunisiens, hein, semble-t-il. C'est ça l'espoir de la France. Alors j'ai vu que Michel Onfray avait dit que Marion Maréchal était une femme d'intérêt ou une femme digne, excuse-moi. Alors c'est sûr que ce qui n'engage à rien, oui, dire une femme est digne, ça n'engage à rien. Oui, non, mais c'est sûr que par rapport à Marine Le Pen, effectivement, bon, qui a trois divorces, un truc comme ça, enfin bon. C'est sûr que c'est mieux, mais bon, est-ce que c'est acceptable? Je sais pas, hein, c'est pas vraiment ma tasse de thé non plus. Non, surtout que je tiens à rappeler, parce que j'ai oublié quand j'ai réagi au départ, qu'elle utilisait aussi l'argument de elle a une petite fille avec qui elle veut passer plus de temps, etc. Ça, c'est vraiment l'arnaque pour les gogos, tu vois, c'est-à-dire que oui. Voilà, c'est alors, et en même temps, elle te raconte qu'elle adore le monde de l'entreprise et qu'elle veut se faire une chance. Elle se fout de la gueule du monde. C'est-à-dire que si, à la limite, elle était sincère en disant oui, voilà, en fait, elle veut assumer son rôle de mère, voilà, elle veut s'occuper de sa fille, elle veut prendre le temps. Bon, on pourrait lui accorder. Mais ça n'est même pas sincère du tout, à aucun moment. Là, elle te dit juste qu'elle se retire de la vie politique pour aller à l'entreprise parce que, selon elle, un dirigeant politique digne de ce nom se doit d'avoir fait un passage dans le privé. Donc, c'est qu'elle va revenir. Donc, l'histoire de sa fille et compagnie, c'est de la... C'est bon pour voici, quoi. Hein, c'est de la roupie de Sansonnet, d'accord. Alors, il y a de la demande. Je vais commencer par le premier qui me l'a demandé, Captain America. Ok, donc y a un truc moi qui me chagrine. Bon, comme l'a dit Derek, Marion, Kevin, séparés, enfants, machin, tout ça, blablabla. Ok. Le truc, en plus, moi ce qui m'emmerde, tu vois, c'est d'entendre Astérix parler comme tous ces mecs là qui sont en train de réfléchir avec leur bite en disant ah, putain, Marion est jolie, Marion je lui mets très bien, tire quand même entre des meetings, oh, putain, Marion est bandante, moi j'en peux plus, quoi. Attends, c'est bon. Astérix, les pas gens du sud, hein, cher ami, c'est non vrai. ouais c'est vrai, mais bon, bon. Laissez les parler, l'ami. Donc moi ça me fait vraiment chier, parce que déjà, bon, les bonnes femmes en politique, on va pas revenir là-dessus, on n'est pas pour. Mais si en plus les gens les suivent, tu vois, en mode courtisan, parce que voilà, la machine elle est bonne et que on s'en branle les idées, non, c'est pas possible, quoi. Les gens qui font de la politique, ils devraient être là pour les idées, quoi. On devrait les suivre pour leurs idées, pas pour leur personnalité, pas parce qu'ils sont charmants, elles sont belles, machin et tout. Et deuxièmement, moi je dirais que les gens qui devraient faire la politique, c'est les gens qui sont passés par un service à la nation, quoi, quel qu'il soit, c'est-à-dire que ce soit la police, la gendarmerie, l'armée, les gens qui ont donné d'eux-mêmes vraiment pour la collectivité, quoi, et non pas les gens qui sont allés faire chef d'entreprise, je sais pas où, bosser pour le CAC 40. D'accord. Alors, j'enchaîne avec Poporovic, qui a envie aussi de donner son avis. Bah moi, toute cette histoire, ça me file la chiasse, en fait. Je me dis, bon, voilà, Marion Maréchal s'en va pour mieux revenir, et on va encore dans tous les cas de figure, on va encore se traîner une gonzesse Le Pen, quoi. Ouais, c'est alors, vrai. Gonzesse, c'est déjà, pour moi, c'est niette, mais alors, en plus, la famille Le Pen, moi, je ne vais plus les voir, hein. Donc voilà, il y en a qui la trouvent mieux que Marine Le Pen. Mon avis, c'est vous jugez de choses qui sont pas comparables parce qu'elle a au bas mot 20 ans, voire 30 ans de moins. Et moi, je pense que dans 30 ans, Marion Maréchal sera peut-être pire que Marine, quoi. C'est-à-dire que Marine a divorcé 3 fois, elle va divorcer 5 fois. Non, non, attends. Marine Le Pen n'a pas divorcé 3 fois. Elle a divorcé qu'une fois, et ensuite, Oui, elle a eu... bon, Ouais, c'est... Voilà, non, non, voilà. tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Donc, elle va multiplier encore plus les conjoints. À mon avis, elle va nous accoucher d'un petit métis. Enfin, ça va être monstrueux, quoi. Non, ça, C'est. c'est son papa ou son beau-papa, on ne sait plus trop, hein, qui effectivement était... C'est marié avec une négresse. Hein. Mais faut bien comprendre qu'il n'y a rien à entendre des femmes et que ça ira de pire en pire. Et c'est pas parce qu'elle est jolie, et c'est vrai qu'elle est un peu mignonne, je nie pas. Au contraire, les gens devraient être encore plus méfiants. J'ai envie de dire, parce que bon, tout ça ne nous amènera rien de bon. D'accord. Alors, bon, on a beaucoup de choses à dire, donc je vais arrêter là sur Marion Maréchal Le Pen. Je sais qu'elle est très populaire parce qu'en fait, Bah, elle est blonde, elle a les cheveux longs, et puis voilà voilà. quoi. Voilà, et puis c'est Le là toute la jeune, c'est là toute. syndrome d'Alida, voilà. Ouais, mais c'est là toute la jeunesse, quoi, tu vois. C'est-à-dire que bon, t'as une jeune femme blonde, etc. Et puis les garçons sont prêts à lui passer à peu près n'importe quoi, etc. Moi, je lui fais pas un procès en sorcellerie, mais effectivement, c'est pas politique, quoi. C'est pas politique, c'est pas le sujet. Je veux dire, le sujet, c'est quand même les idées, c'est le programme, c'est où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut défendre. Moi, je dis pas qu'elle défend pas les bonnes idées ou les mauvaises idées. Simplement, je dis. Sauf des qualités extraordinaires, je veux dire, des qualités d'entraînement, des qualités d'organisation, des qualités. Bon, surtout que je dois avouer une chose, il y a quelque chose qui me dérange un petit peu dans son happening, un petit peu, hein, son coup de théâtre, parce que c'est vraiment un coup de théâtre. C'est qu'elle quitte le navire au pire moment. C'est un très mauvais message envoyé aux militants et même à la population qui a soutenu le Front National. C'est-à-dire que, hop, on n'a pas gagné. Oui, bah moi, je vais voir ailleurs si j'y suis, puis je Non, reviendrai. c'est même pas on n'a pas gagné. C'est-à-dire que c'est Marine Le Pen n'a pas gagné, je me barre. Elle aurait pu attendre les législatives. Hein. C'est vrai qu'elle aurait pu faire la campagne. Moi qui suis dans le sud, je pense on avait des chances d'avoir des députés par chez nous. Les chances là, du fait qu'elle se soit barrée, que ça parte en couille dans tous les sens, ça me nuise, hein, clairement. Les pourcentages qui auraient pu faire la différence, ils vont pas y être. Hein. Bah ouais, c'est ça, il n'y a pas la force d'entraînement. Et en plus, comment dire, on a quelqu'un qui va pas avoir d'expérience particulière sur tout cette période. Oui. Donc, moi, je suis vraiment. J'ai dû, j'ai, alors, c'est. Je veux dire, en plus, bon, Fred C'est Henry, le il est. calcul personnel, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment le Je truc sais pas, j'irai pas. J'irai politica. Ah, bah quand même, attends. Pas quand même, on va dire, j'irai pas être formel là-dessus, parce que bon, il faudrait avoir plein de données, avoir des témoignages, etc., donc j'en sais rien. Mais Mais. elle a dit, pour moi, un dirigeant politique digne de ce nom se doit d'avoir une expérience dans le privé. Donc voilà, elle se bat Ouais, même là, bon, pour voilà. qu'on dise d'elle, car bravo, elle a fait ce qu'elle disait, etc., etc. Donc bon. Y a pas que ça non plus, je pense aussi. Il y a le fait qu'elle a pas envie d'être comptable. Elle a pas De envie dire d'être de comptable. sa Et... tante, Oui, bon, oui, ben c'est pas faux. ça, on peut... À la limite qu'elle le dise, qu'on se débarrasse de l'autre poissonnière, hein, bon. C'est pas faux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on sent bien qu'on est sur des gens qui sont en train de se regarder en chien de faïence. Marion Maréchal Le Pen n'avait pas envie d'être comptable de la foirade monumentale de sa tante conseillée par l'autre pédale de Philippot, espèce de communiste, lui-même conseillé par Sapir et Soral, enfin, je veux dire, Et horrible. son frère de Voilà, chantage bon, avec non, Ipsos, bref. hein, hein? Bon, Marion Maréchal, je comprends son attitude. Ceci étant dit, n'empêche que, je veux dire, en visuel, pour les gens du sud de la France, effectivement, où là, il y avait encore une dynamique. Bon, bah, on a effectivement, elle a dit bon, bah, au revoir, quoi. Et le pire, c'est qu'elle avait sollicité un mandat régional en 2015, fin 2015. Et c'est elle qui menait l'opposition régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et elle part. Au moment où Estrosi s'en va, alors que c'est là qu'il fallait occuper le terrain. Donc, j'ai quand même du mal avec sa décision. Je trouve au plan politique, j'ai quand même un peu de mal. Mais bon, c'est une perception personnelle. Juste un tout petit truc par rapport à ce que disait Poporo. Il faut pas faire l'erreur, Poporo, comme beaucoup de gens qui se font arnaquer par la démocratie, de croire que c'est un homme ou une femme qui prend le pouvoir. Hein. De toute façon, c'est un réseau. Donc on s'en branle un peu de la... Si tu veux, Marion Maréchal, pourquoi moi je la défends? C'est parce que je pense que dans le monde moderne, par rapport au jeu actuel, c'est la meilleure pour amener nos idées et notre réseau le plus haut possible. Parce que les réseaux qui vont graviter autour de Marion Maréchal Le Pen, c'est des gens qui ont des idées assez conservatrices, vraiment intéressantes. Hein. Par exemple, sur la famille, l'IVG, sur le côté identitaire. Sur tous les plans, c'est une femme qui a des bonnes idées. Donc, il faut juste la voir comme une façade, comme une, tu vois, notre cheval de Troie, quoi. C'est-à-dire celle qui permet de faire rentrer notre, celle qui permet d'amener notre réseau dans les plus hautes sphères. On voit bien que les idées de la famille et d'une, enfin, de comportement qui serait traditionnel et acceptable, elle les pratique et elle les met haut en valeur, hein, hein, hein. Ouais, c'est normal, c'est une fille. Comment dire, on passe peut-être au sujet. Oui, on va passer au sujet suivant, mais je veux dire, il faut quand même commencer le droit d'inventaire du lepénisme en France. Je veux dire, c'est bon quoi. Il y a le nationalisme français et il y a les Le Pen. Et il se trouve que les Le Pen ont fait une OPA sur le nationalisme en France. Alors on peut peut-être quand même commencer à se poser la question. Maintenant, voilà. Et en plus, je le constate autour de moi, même chez des gens qui sont vraiment pro-Le Pen, même qui étaient vraiment des inconditionnels de Marine Le Pen, parce qu'ils voulaient bien s'aveugler, en fait, hein, alors que ses insuffisances personnelles sont quand même considérables, les gens commencent à se dire, bon, il serait peut-être temps de dissocier la famille Le Pen d'une cause qui dépasse, et de loin, une famille. Or, on a quand même des gens... qui ont de facto réduit un enjeu qui est un enjeu national pour plein de raisons et sur plein de sujets, je veux dire, qui l'ont réduit à une question de boutique familiale. On peut pas dire que c'est pas vrai. La question a déjà existé dans les années 90 avec la scission dite maigrettiste. Bon, alors on peut dire ce qu'on voudra de cette scission, on pourra en dire même le plus grand mal, fort bien. Bon. Là, on a eu la fille qui a succédé au père en 2011, et par bien des aspects, elle a fait des choses positives. C'est pas moi qui vais diaboliser complètement Marine Le Pen en disant « c'est affreux, c'est horrible, tout ce qu'elle a fait, ça servait à rien ». C'est pas vrai. Elle a augmenté les voix, je veux dire, pas les 10 dernières années, mais entre 2011 et 2017, elle a augmenté le nombre de voix, elle a redynamisé le parti, elle a rendu, on va dire, plus populaire. C'est un fait. Donc, il faut quand même rendre à César ce qui est à César, et à Marine Le Pen, ce qui est à Marine Le Pen. Ceci étant dit, on a fait la campagne de 2007 en 2017. C'est-à-dire qu'une campagne qui était tournée à gauche, où on n'a pas cherché à cliver du tout, on a courtisé, soit implicitement, soit parfois ouvertement, les masses immigrées, merci Alain Soral, et l'effet était le même. Alors, l'effet était le même, mais pas dans les mêmes dimensions. C'est vrai qu'en 2007, Sarkozy lui a fait une campagne identitaire ultra-agressive, c'était l'escroquerie, mais tactiquement, en termes politiques, c'était bien joué. Il a fait le plein, il a été élu. Pendant que Sarkozy faisait du Karcher, Jean-Marie Le Pen était avec Soral sur la dalle d'Argenteuil en train d'essayer de draguer quelques bougnoules à 7h du matin. C'est ridicule. En 2017, rebelote. Donc, avant de rentrer dans la question de la stratégie politique, etc., et des buts, on doit quand même se dire, bon, la famille Le Pen, ça fait combien de fois qu'il se présente aux élections? C'est pas le père, c'est la fille. C'est pas la fille, ça va être la tante. Pourquoi? Et moi, je pose une question franchement honnête. Pourquoi devrait-on donner un chèque en blanc à Marion Maréchal Le Pen? Je sais pas qu'elle a eu de responsabilité importante, mais pourquoi donner encore un chèque en blanc à cette famille, pour ne pas dire à ce clan? Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? C'est ça le drame, en fait. C'est qu'on est dans... J'ai pas envie de les défendre complètement, parce que je suis, en gros, pas d'accord avec ce que tu dis. Mais il faut quand même reconnaître que, moi, je suis royaliste, si tu veux, 50 ans de règne, ça s'efface pas comme ça d'un coup de guillotine. C'est-à-dire que c'est des réseaux monstrueux, c'est une petite force de frappe monstrueuse. C'est quelque chose, la famille Le Pen, quoi. Et mais non, coup, mais c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'on a à proposer d'autre, quoi. C'est ça le problème, c'est que les légitimistes... C'est que là, à la fin. Hein. Eh, les légitimistes, les royalistes, ils ont perdu la guerre. Et fais-moi confiance que le légitimisme en France, c'était autre chose que la famille Le Pen. Ils ont perdu, pourquoi ? Bah parce qu'ils se sont fait éroder. Quels sont les réseaux lepénistes en France ? Je veux dire, en termes sociaux. Quelles sont les forces populaires, je veux dire, qui sont vraiment liées à la famille Le Pen ? Et en quoi la famille Le Pen dans veut... Dans les RG, dans la police, ils en ont quand même. Ouais, bah, hey, on voit bien le résultat. Hein. Non mais Astérix, t'as commencé ton commentaire en disant « il est performant ». Et c'est quoi ? Enfin... À quoi est-ce que tu mesures cette performance ? Échapper aux attentats, échapper à tout. C'est 50 ans à se faufiler entre les gouttes. On parle d'essayer d'accéder au pouvoir et toi tu me dis il a réussi à ne pas se faire tuer. Bon, c'est pas mal, mais il n'a pas accédé au pouvoir. Il en est même très loin. Et aujourd'hui encore, on en est très loin. T'es d'accord que pas se faire tuer, c'est un préalable pour prendre le pouvoir. Or, non, mais d'accord, mais dans 200 ans, il serait encore. Se faire tuer, ça fait souvent partie du processus. Ouais, non, mais Robert, oui, il s'est pas fait tuer non plus, quoi, si tu veux. Alors, je vais demander à Fred dans l'évier de développer son point de vue. Ah, par rapport à Le Pen ? Mais oui, enfin, c'est pas un... Enfin, je veux dire, c'est... On est quand même, on constate quand même que, voilà, ça fait 40 ans ou 45 ans qu'il y a un trust Le Pen sur le nationalisme en France. Bon, voilà, c'est bien gentil, mais clairement, moi, pour moi, enfin, c'est mon sentiment, il y a eu un référendum, quelque part, sur des idées, etc., mais tu tournes l'équation comme tu veux, voilà, il y a eu un référendum aussi sur la famille Le Pen, je crois que les gens saturent, quoi, enfin, franchement... Ah bah moi, je vais répéter très rapidement, puis je vais laisser parler Pourreau, qui a l'air d'être très chaud. Bon, je ne veux pas répéter 100 000 fois la même chose, mais les gars, il y a un documentaire, hein, où il y a ce monsieur qui est Léon de Grelle, n'est-ce pas, qui parle de Jean-Marie Le Pen, et qui explique benoîtement que c'est tout simplement plutôt un hédoniste. Et il va venir me voir ici. Quand ? Ben, je ne sais pas, le mois prochain, ou... Lui donner des conseils comment ça se passe ? Aux filles, non. Non, mais à Jean-Marie Le Pen. Mais j'essaye de l'orienter. Mais nous avions une vie, nous autres, bien plus monacale. Comment est-ce que vous le définiriez politiquement, Le Pen, puisque vous connaissez bien ? Il est beau, il est bien plus partisan de la bonne vie que du sacrifice. Il se donne beaucoup de mal. Enfin, abandonner, ça lui fait beaucoup de plaisir. Tant que chez Hitler, ça comptait pas. La vie matérielle, ça n'existait pas. Et puis, il ne donnait pas sa vie, il ne donne pas sa vie totalement, comme nous le faisions. C'est un bon vivant, voilà. Alors, là, quelqu'un qui peut être rigolo, qui peut être tout ce que vous voulez, qui peut être quelqu'un de charmant, mais qui est plutôt un adepte de la... Il le dit texto, de la bonne vie que du sacrifice. Bon, bah voilà. Et sa fille, c'est son père au carré. Ouais, et donc à partir de là, il n'y a pas besoin. Alors, peut-être que vous ne faites pas confiance à Léon de Grelle, vous faites comme vous voulez. N'empêche que quand il le dit, ça sonne vrai. Il n'y a pas, vous aimez ou pas le personnage, il a tapé sur quelque chose de juste. Bon, je ne vais pas aller plus loin pour le moment, je reviendrai peut-être là-dessus, mais vas-y, Poro, tu veux dire quelque chose ? Oui, bah, je vais abonder en ton sens. C'est-à-dire que, bon, Jean-Marie Le Pen, bon, c'est terminé. Il va fêter, s'il me semble, ses 90 ans en juin. Bon, voilà, on peut le laisser partir. Au revoir, Jean-Marie, au revoir. Il a fait ce que, d'après ses propres propos, hein, il me semble, qu'il a dit que son combat politique était un combat de témoignage. Maintenant, c'est terminé. Il faut qu'on passe à l'offensive. Et c'est là où il est important de comprendre qu'il faut se débarrasser non pas du clan Le Pen, mais de la tribu, parce que c'est vraiment... c'est la tribu à l'africaine. Ces mecs-là, faut les dégager. Oui, il faut se débarrasser du clan Le Pen, ces gens-là n'ont aucune idéologie, aucune conviction. Ce sont... Le père était un hédoniste, les filles de la famille Le Pen sont juste... ça, mais en pire, quoi, parce que... tout ce qu'ils veulent, c'est une place dans le système républicain. Bah, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences par dire que tu fais un combat de témoignage, en fait, tu acceptes déjà la place de perdant, d'éternel perdant. Bien sûr, mais dans le contexte de l'époque, ça pouvait se justifier. Maintenant, c'est terminé. Là, il faut qu'on passe à l'attaque, et il faut qu'on passe à l'attaque avec des gens qui ont vraiment envie de combattre, et pas qui ont envie d'avoir une putain de gamelle dans le système. D'ailleurs, je profite du fait qu'on parle tous de ça. Captain. Ok, merci. Parce qu'il y a une émission ou deux, je me suis fait attaquer personnellement par un fanboy de Marine Le Pen en commentaire. À la limite, je m'en fous de ça. Mais en revanche, c'est révélateur de quelque chose. Notamment du fait qu'il y a énormément, il y a beaucoup trop de fanboys, soit de Marine, parce qu'elle représente pour certains l'incarnation de la Jeanne d'Arc nationale, l'incarnation de cet homme ou femme providentielle qui nous est donc livré par la Providence pour sauver la France, supernaturelle. Et voilà. Le truc, c'est que vous, les auditeurs, et les gens que vous connaissez, vous pouvez avoir un rôle dans le fait de se débarrasser, en fait, alors peut-être pas dire de se débarrasser, mais de dépasser le rôle qu'a eu le clan ou la tribu Le Pen dans le nationalisme français. Comment ? Tout simplement parce que ces gens-là ne peuvent vivre comme ils le font actuellement et truster la place qu'ils ont actuellement que parce que il y a des gens derrière qui les soutiennent. Ils ont des soutiens financiers, ils ont des militants, ils ont des gens qui se présentent. Si on arrivait à... parce que là, il n'y a pas que nous, là. Il y a plein de gens qui pensent comme nous. Si on arrivait, en fait, à faire évoluer la base, soit, à ce moment-là, les dirigeants du Front National s'adaptent à ce que veut leur base, à ce que veulent les gens, soit ils arrêtent d'exister, en fait. Parce qu'il faut bien comprendre un truc, c'est que on ne pourra pas sauver ce qu'il reste à sauver en Europe, notamment déjà dans un premier temps en France, si on continue à avoir ces gens-là à la tête de partis que l'on nomme nationalistes ou patriotes, en fait. Et il y a des gens qui nous disent « Oui, mais vous attendez quoi? Vous faites quoi? Pourquoi vous présentez pas des gens ?» Ben, on le fait pas, pourquoi? Parce que tant que le FN avec les Le Pen existe, il ne pourra quasiment rien émerger d'autre. Il y a déjà le Parti de la France qui existe, bon, ils existent dans le Nord, un petit peu ailleurs, mais ça reste de l'anecdotique, comme tous les autres groupuscules, même si j'aime pas ce mot-là, qui ne peuvent rien faire d'autre, en fait, qu'accepter le fait qu'il y a que le FN qui pèse, en fait. Et qui reste, ces gens-là, souvent, restent à l'état groupusculaire, parce qu'une partie du rôle du Front National, qui n'est pas négligeable, a été de marginaliser le plus possible tous ses potentiels concurrents. Voilà. Donc, dès qu'il y avait un ersatz de mouvement de groupuscule à l'extrême droite, il fallait lui chier dessus de toutes ses forces pour éviter le moins. Bon, bref. De toute façon, ce sont des communistes qui n'aiment pas la concurrence. Donc, si je peux intervenir deux secondes, parce que là, tu dis un truc faux, Fredo. Ça a changé quand Marine Le Pen a accédé au pouvoir. Mais à l'époque de Jean-Marie, c'était le contraire. C'est-à-dire que Jean-Marie Le Pen, lui, il embrassait tous les groupuscules et il leur disait « Vous inquiétez pas ». En loose day, en privé, il tenait des discours tout à fait démocratie participative, tu vois, il n'y avait pas de problème avec Jean-Marie Le Pen pendant 30 ans. Il faisait comprendre à tout son cercle rapproché que c'était leurs idées qui allaient pas accéder au pouvoir s'ils faisaient monter le réseau Le Pen. Mais ça a changé. Il va falloir expliquer ça à Bruno Maigret quand même, hein, parce que je pense qu'il est un peu mal. Non, mais Bruno Maigret, c'était un truc d'ego. Il y avait rien de, il n'était pas plus droitard que. C'était quoi déjà à l'époque le problème? C'était pas un problème de ligne politique. À l'époque, Jean-Marie Le Pen, ça a été immigration zéro, tolérance zéro. De toute façon, sa ligne est la même depuis 57. Hein. C'est immigration zéro, tolérance zéro. C'est un problème de ligne politique, c'est-à-dire que Maigret voulait mettre l'accent sur l'implantation locale, c'est-à-dire progresser aux élections locales et régionales. Et pour Le Pen, il n'en était pas vraiment question. Son truc à lui, c'était vraiment de faire le kéké au présidentiel. Maintenant, je vais en venir à Alain Soral, qui lui, pour le coup, est un vrai homme de gauche. Le scrupule de gauche. Alors, c'est un intellectuel communiste qui est suisse. Je ne sais pas si c'est un vrai homme, mais il est vraiment bien. Alors, je cite l'extrait. Alors, il a fait un article. Enfin, c'est bon, je vais m'abstenir de commentaires. Sur son site égalité et utrisation ou islamisation, vous choisirez. C'est en fonction des jours. Et parce qu'il est quand même en alliance avec Jacob Cohen. Hein. Pour les antisémites, vous êtes antisémite, moi ça me va très très très bien. Nous-mêmes, on a nos humeurs. Mais c'est quand même un mec, ta coquine, avec des juifs communistes qui expliquent à des bougnoules à Marseille, comment ils doivent copier le FLN pour remplacer les blancs en France. Bon, hein, voilà, bon, c'est pour préciser à qui on parle. Excusez-nous du peu, quoi. Ouais. après ça, oui, Soral est très très antisémite, bien sûr. Alors. Je cite son article paru sur son site. Si Marine avait été moins mauvaise, elle aurait pu monter jusqu'à 45, pas plus, 45%. Pour gagner, il aurait fallu qu'elle appelle non pas Nicolas Dupont-Aignan, mais Mélenchon comme Premier ministre entre les deux tours. Antimondialiste de droite et antimondialiste de gauche, unis et majoritaires, contre l'union sacrée des mondialistes de droite et de gauche, libéraux-libertaires, le système Macron. Ce que le dit système rend justement impossible, FN nazi, FN égale nazi, Mélenchon égale Grand Orient de France. Donc Zemmour ment, alors il parlait de Zemmour, il a commencé son introduction sur Zemmour, c'est pour ça qu'il dit ça. Donc Zemmour ment et fanfareux sur toute la ligne, il est juste agacé parce qu'il n'est pas dans la combine Macron-Attali et il se venge sur Marine. Tiens, c'est marrant, ça c'est de l'inversion accusatoire. En réalité, c'est Soral qui se venge sur Zemmour parce qu'il a fait foirer la ligne Marine Le Pen. Alors, quant à rendre cette alliance future possible, Mélenchon, Front National, sans Marine ni FN, il précise, c'est justement le travail d'égalité et réconciliation et de réconciliation nationale, donc réconciliation avec les bougnoules qui ne nous ont pas demandé de nous réconcilier avec eux d'ailleurs, je le précise, on s'y met dès demain. Signé Alain Soral. Mais c'est marrant, je croyais au départ que en fait il voulait ramener des communistes au Front National, c'est-à-dire faire glisser. C'est l'inverse. Voilà, non, c'est ça, c'est-à-dire qu'au départ il prétendait vouloir faire glisser des gens qui venaient de la gauche du côté un peu réactionnaire parce que ça avait ses mérites, etc. Et en fait on découvre qu'il veut faire glisser les électeurs du Front National vers Jean-Luc Mélenchon, quoi. C'est très spécial comme. C'est un nouveau concept, il crée toujours des concepts. Hein. Alors, il faut dire. J'espère quand même que les rares blancs qui restaient dans le giron de Soral et de R, hein, bon, en 2017, là, mi-2017, qu'enfin ils se rendront compte de la supercherie. Quoi, hein, bah, bon, c'est, voilà. Il ramène l'électeur Front National à Binti. Quoi, hein, donc, On est pas mal à être passé par chez Soral dans les marges et compagnie. À lui avoir trouvé un certain talent il y a une quinzaine d'années, hein, quand il passait à l'époque, c'était c'est mon choix. Choix. Voilà. Et bon, voilà, on est en 2017, là, c'est bon, c'est fini. Hein, le type, il a marqué la présidentielle, en tout cas la campagne de Marine Le Pen par sa patte du fait que Marine Le Pen n'ait parlé en aucune occasion de l'immigration. Et il vient dire maintenant que Marine Le Pen est une marionnette parce qu'elle fait le jeu du sionisme. En poussant au choc des civilisations, ben c'est obscène. C'est moi, c'est carrément obscène. Là, j'en reviens toujours pas. Quoi. Soral est obscène comme personne. Ah, c'est, mais oui, là. C'est quelqu'un qui est obscène. Vraiment, je pense qu'il, est même sadique, hein, quand il fait ça. Quoi. Je juge les personnes, mais en tout cas, je juge les actes. Mais là, ce qui se passe en ce moment, c'est pas beau à voir. Quoi. C'est-à-dire que. C'est lui qui a imprimé la dynamique de campagne de Marine Le Pen. Et là, maintenant qu'elle s'est cassée la gueule, il dit « Ouais, mais c'est parce qu'elle n'est pas assez loin. » Bon, mais là, il faut préciser qu'il commence son propos. Alors, contre Éric Zemmour, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, parce que bon, ça, c'est une question qui... Mais il reproche, Oui, comment elle a fait une attaque contre l'UIF, c'était ridicule. Ça, c'est symptomatique, quand même. C'est-à-dire que Soral... Ouais, l'UIF, les frères musulmans, hein, c'est ridicule. Oui, l'UIF, les frères musulmans, Tarek Oubrou, avec lequel il a fait une conférence, Kamel Béchir, hein, lui-même frère musulman, compagnon de route du Hamas, organisation palestinienne de Gaza, qui aime à procéder aux attentats suicides de temps à autre. Oui, Soral est antisioniste. Bon, très bien, il est antisioniste, bon. Mais concrètement, face à l'immigration nègre, face à l'immigration musulmane, face à l'islamisation radicale, observable, face aux attentats de djihadistes, face à Nice, le Bataclan, face à la jungle de Calais, face à tout ça, Soral n'est pas là. Il nous dit Israël. Ce type est fou. Il est rongé, visiblement, par les substances. Il est en train, parce qu'il a la capacité, et on a la démonstration de ça, et on va y venir, d'influencer la ligne d'un parti qui compte des millions et des millions de gens qui ont misé sur ce parti, et il le plante. Et une fois qu'il est planté, parce que Marine Le Pen n'a pas parlé, tu l'as bien dit, une seule fois d'immigration pendant le débat face à Macron. On est après le démantèlement de la jungle de Calais. On est après les décisions d'Angela Merkel qui ont été embrassées par Macron. C'est vrai que qu'on fasse après le débat présidentiel qu'on dise que Marine Le Pen a tapé sur les Arabes, les Noirs, les Musulmans, c'est une forfaiture des. C'est une saloperie que seul un communiste peut faire. C'est une saloperie que seul un communiste peut faire, je veux dire. Voilà, moi, à titre personnel, le débat de la présidentielle, j'en fais toujours des cauchemars là, toutes les nuits depuis 15 jours. Voilà. Alors, dans son propos, il dit ceci. Alors, parce qu'il reproche à Zemmour, il dit « Oui, les Français ne sont pas des Israéliens de droite, ne sont pas des sionistes de droite, comme toi, Éric Zemmour. Ils sont profondément antiracistes. » Tu sais, c'est un titre de gloire, toi. C'est un titre de gloire. Donc, le type vous explique « Je suis de droite nationale, etc. » Et quand tu lis son propos... Il t'explique en fait que la vocation du Front National, la vocation des électeurs du Front National, c'est de ne pas détester les Arabes, de ne pas refuser l'invasion migratoire, de ne pas s'en prendre à l'islam, et d'adhérer profondément à l'antiracisme. Ce type est un putain de cancer mental. Et il a touché la direction du Front National. Et maintenant, on va en parler. J'ai envie d'en parler. Je donnerai la parole aux autres après, vous en faites pas. Hein. Mais parlons de l'infectation dont il est responsable. Parce qu'on en a la marque de ça. À la fin, vous l'avez lu, vous l'avez entendu comme moi, il dit ceci, je répète quand même. Pour gagner, il aurait fallu qu'elle appelle non pas Nicolas Dupont-Aignan, mais Mélenchon comme Premier ministre entre les deux tours. Ça, c'est la conclusion de son article dont on a parlé. Ça, c'est le côté paix des opiacés, tu vois. Mais attends, il y a eu un article de Minute. Journal Minute, qui a fait le bilan, en fait, de l'après-débat, en fait, qui est un article extraordinaire, parce que c'est à chaud, le journaliste est là, et Marine Le Pen arrive après son débat du 3 mai. Elle est convaincue d'avoir écrasé tout le monde, parce qu'elle a respecté la stratégie qu'on lui a confiée. Elle a acheté tout ce qu'on lui a dit. Elle arrive triomphante à son QG. Quelle grosse conne ! Et, en fait, Collard s'est tiré avant, juste avant. Les mecs, ils sont un peu lucides, ils sont au fond de la salle, ils osent pas trop montrer leur gueule. Et par contre, il y a toute sa clique de tapettes communistes, Philippot en tête, qui sont tous en train de la célébrer, etc. Dalida. Bon, comme dit le journaliste, elle dessoule pas pendant 12 heures. Le lendemain matin, recevant les protestations massives des élus, des militants, des observateurs, et même des cadres les plus importants, Dalida commence à prendre contact avec la réalité et se rend compte que sa clique soralienne l'a plantée de façon définitive devant 16 millions de Français. Et alors là, je vous donne le passage en question, et ça fait le lien avec la question de Mélenchon dans la lettre de Soral. Alors, je lis. De tout le second tour, qui a quand même duré 2 semaines pendant lesquelles elle a trouvé le temps, la veille du débat et en soirée, comme si elle n'avait rien de mieux à faire, d'aller à la rencontre d'un obscur collectif des Africains pour promettre de consacrer 15 milliards d'euros à l'Afrique, soyons fous, Marine Le Pen aura réussi le prodige de ne pas avoir un seul mot gentil à l'adresse des 7,2 millions d'électeurs de François Fillon, qui sont a priori un peu plus proches d'elle que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Rien que dalle. Il faut dire qu'au soir du premier tour, le 23 avril, au vu des résultats et au nom du combat primordial contre la mondialisation sauvage, le capitalisme financier, le libre-échangisme débridé, l'euromondialisme et autres dictatures oligarchiques, à moins que ce ne soit la même chose, une idée traversa l'esprit des quelques conseillers, fins stratèges et esprits éclairés. Et au lieu de leur laisser, et au lieu de leur traverser l'esprit et de filer voir ailleurs, elle fut mise au débat, puis étudiée très sérieusement par les participants à cette réunion stratégique, tous conseillers de Marine Le Pen, rappelons-le, qui allèrent même jusqu'à solliciter celui à qui aurait échu la mission de jouer les intermédiaires pour savoir s'il, Mélenchon, en était d'accord. L'idée était celle-ci, et si Marine Le Pen appelait Mélenchon pour lui proposer Matignon. Donc en fait, dans l'article de Minute, quelques jours après le débat, le résultat, le journaliste le dit, l'idée complètement folle de proposer Mélenchon Premier ministre entre les deux tours par Marine Le Pen a couru très sérieusement dans son comité stratégique. C'est ce que nous dit Soral dans sa lettre de grief contre Marine Le Pen. Il lui dit « Tu n'as pas respecté ma consigne, mon idée de génie d'appeler à voter Mélenchon, à créer le partenariat avec Mélenchon entre les deux tours. Tu n'as pas compris que l'essence, c'est de créer une alliance entre le Front National et la gauche communiste. » C'est ça, c'est énorme. Le cœur du truc. Mélenchon qui leur a envoyé chier évidemment, à 8%. Évidemment, Mélenchon lui aurait dit... Alors, j'en finis, ensuite vous allez commenter. Rappelez-vous que Marine Le Pen, dans l'entre-deux-tours, a fait une vidéo à destination des mélenchonistes, la France Insoumise. Mes chers compatriotes, le 23 avril, 7 millions d'entre vous ont voté pour le candidat de la France Insoumise et je voudrais leur adresser un message. Quand ils ne m'y prennent pas, le candidat des Insoumis et moi-même avons des relations politiques pour le moins sportives et des désaccords sur des sujets de fond. Mais je considère comme beaucoup que Jean-Luc Mélenchon a mené une campagne de premier tour qui était une campagne respectable. À la limite qu'elle fasse une vidéo pour les électeurs de Mélenchon, qu'elle joue sur une certaine fibre, qui soit compatible, on va dire. Et ensuite qu'elle parle aux électeurs de Fillon, c'est-à-dire les deux ailes potentielles. Ça pourrait être cohérent intellectuellement, je veux dire. Mais là, c'est un dédain volontaire pour tout ce qui est, à droite, on va dire, dans la droite conservatrice ou la droite relativement modérée. Donc, on lui dit, tu ne parles pas à ces gens-là. Mais tu vas chercher des communistes de chez Mélenchon parce que c'est sûr, ça va être un carton plein, tu es anti-système. Résultat, sur la base de l'élection. Mélenchon, c'était environ 19%. 7% des électeurs de Mélenchon ont voté Marine Le Pen au deuxième tour. Donc après cette drague complètement folle, à destination de l'électorat communiste de Mélenchon, 7 malheureux pourcents de 19% se sont prononcés pour Marine Le Pen. Le génie d'Alain Soral devant vos yeux, chers amis. Ça fait quoi? Ça fait 1,33%, un truc comme ça? C'est rien du tout. Et par contre, les électeurs de Fillon, la droite conservatrice, pas le centre, la droite conservatrice, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est abstenue, elle a voté Macron par peur de la rhétorique communiste de Marine Le Pen. Bien sûr, mais attends, écoute, moi, même moi qui étais assez enthousiaste par rapport au début, à la première semaine du deuxième tour de la campagne de Marine Le Pen, J'ai vu le débat, je m'en remets toujours pas. Hein. Je me suis dit, putain, mais je vais aller voter Macron, c'est pas possible. Hein. Je vais pas aller voir ce truc. J'ai finalement voté pour cette grognasse, mais alors, c'est presque à contre-cœur, quoi, avec la pince à la linge sur le nez. Hein. Parce que, punaise, je sais pas si tu l'as vu depuis le débat, hein, Gandalf, mais... Des extrêmes, et j'ai pas réussi à me résoudre à voir le truc, parce qu'en fait... Il faut voir la chose dans sa totalité, quoi. Tu te meurs de bout à bout. Alors, vous avez compris, en tout cas, la philosophie. Alors, pourquoi elle s'est comportée comme ça pendant le débat, en plus de toute la stratégie très subtile véhiculé par Filippo, sa bande de pédales, et Soral en arrière-fond avec Jacques Sapir, ce judéo-bolchevique, puisque Sapir est un juif, d'extrême gauche, c'est qu'ils se sont dit, et c'est répercuté par la presse belge, mainstream, c'est-à-dire c'est dans la presse mainstream, c'est pas du tout un flanc, et j'ai eu des confirmations en interne. Égalité et Réconciliation a diffusé une vidéo d'un psychiatre italien qui dure une dizaine de minutes, qui explique, entre les deux tours, hein, que Macron est un psychopathe et que sa psychopathie s'explique par sa relation incestueuse avec sa femme qui a 25 ans plus que lui. Les mecs, le conseil stratégique, avec un grand S et un grand Q, de Marine Le Pen, achète le truc, mais argent comptant. Et ils ont élaboré toute une théorie comme quoi psychologiquement Macron était un faiblard, etc. Et qu'en le bombardant, en l'attaquant frontalement, sur la base de ce qu'avait dit ce gazier-là, promu par le site de Soral, Égalité et Réconciliation, ils arriveraient à le démonter. Ils arriveraient à le démonter psychologiquement pendant le débat. Ce qui aurait expliqué, en tout cas en partie, le ton adopté par Marine Le Pen, etc. C'est la clique de Filippo et de ses sbires conseillés, influencés, empoisonnés par Soral, entre autres, qui ont, sur la base de cette vidéo, élaboré cette stratégie. Est-ce que vous arrivez à croire que des gens qui ont eu le sort de millions de Français entre les mains ont bâti leur approche d'un débat présidentiel sur une vidéo d'un obscur italien paru sur le site de Soral. Et pourtant, c'est le cas. Je vous laisse la parole là-dessus. J'ai dit tout ce que j'ai... Les faits, je les ai donnés. Vous dites ce que vous voulez. Vous sauvez Soral, vous sauvez Marine Le Pen, vous avez trouvé une explication. Vous dites, je sais pas. Moi, je... Pour la vidéo, le fait de s'être servi de cette vidéo là de ce psychologue ou peut-être psychanalyste italien pour préparer le débat, c'est juste de l'amateurisme mais d'un niveau dingue. Ah là, c'est olympique. Ouais. C'est plus que. Excuse-moi, vas-y. Vas-y, Captain. Ok. C'est plus que de l'amateurisme. Pour moi, c'est limite borderline avec. C'est limite criminel, quoi. Comme disait Gandalf, je crois, la destinée hein, du pays est en jeu. Et les mecs, ils font quoi? Ils regardent une vidéo d'un mec qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, quoi. Et au lieu de jouer carte sur table, d'être droit dans ses bottes, exemplaire, tout en étant à l'offensive, hein, c'est-à-dire en attaquant Macron, tant sur ses réseaux, ses soutiens, son rôle dans le gouvernement, c'est-à-dire faire ce qui doit être fait, Elle est agressive, elle essaie de le provoquer, c'est elle qui passe pour une connasse. Mais c'est quoi ça? Ouais, c'est ça la Madone? C'est ça la Jeanne d'Arc? C'est plus que ridicule, c'est plus que de l'incompétence en fait. C'est pour ça qu'on doit se débarrasser politiquement de la famille Le Pen et peut-être éventuellement même du FN quoi. Je vois pas en quoi le comportement de la tante dicterait le comportement que nous on doit avoir par rapport à la nièce quoi. Je veux dire, ils ont justement la nièce se désolidarise de sa tante, donc la nièce elle est sur notre ligne. En quoi elle devrait être bannie pour son nom? Déjà parce que c'est une femme, c'était. Hein, Ah oui, ça d'accord. Non mais ça c'est. Astérix, c'est vraiment. Moi j'étais un petit peu dans la même vision que toi. Il faut se rendre compte, c'est ça. Hein, quand même, à un moment donné, les femmes en politique, ça donne que du caca. Quoi, hein, au bout d'un moment, toujours, ça va finir par faire des trucs absolument hors de propos, qui n'ont aucun sens. Et voilà. Marine Le Pen, ça a été son apogée, ça a été le débat de la présidentielle. Alors là, voilà, elle s'est lâchée. Elle était vraiment détendue. Je ne sais pas ce qu'elle avait pris comme cam juste avant. Est-ce qu'on a envie de retenter la chose avec Marion Maréchal? Ben moi, non. Clairement, je ne donne plus aucun crédit à Samuel Le Pen qu'ils se cachent tous tant qu'ils sont et qu'ils laissent la place à d'autres. De tout ce que j'ai dit, mais c'est sur l'histoire de la législative. Alors, faut quand même voir. Maigret parle de ça dans son papier. Il dit 21%, c'est compte tenu de la galaxie de possibilités. Je veux dire, on a une constellation politique qui est invraisemblable. Je veux dire, il y a les attentats, même un attentat la veille des élections, je ne sais pas si vous imaginez, sur les Champs-Élysées. Ouais, c'est incroyable, incroyable. Ouais, tout était en place pour que Marine Le Pen fasse 35% au premier tour. Quoi. Ouais, elle n'a pas fait campagne, elle est arrivée au second tour, par Dieu sait quel miracle, mais parce que les Algériens justement ont fait un attentat, mais elle est nulle, elle est vraiment franchement nulle, à foutre à la poubelle, allez, de suite, allez, on n'en parle plus. Hein. Bah, c'est quand même ça, quoi. Et alors, 21 points, dans les conditions que j'ai dites, et alors maintenant les législatives. Alors je regarde les projections, vous allez me dire c'est des projections. Enfin, n'empêche que les sondages étaient plutôt favorables à Marine Le Pen. Hein. Alors, pas défavorables, plutôt favorables. 20 points. 20%. C'est-à-dire que Marine Le Pen, avec sa campagne inexistante de premier tour et sa foirade de second tour, sa première semaine était bonne, je l'avoue. Hein. Première semaine de deuxième tour, je me suis dit, ah, elle s'est enfin mise en campagne. Bon, il était temps, ça fait juste un an. On en a parlé, hein. On a été honnête de ce côté-là, on a dit, bah, elle a fait une bonne campagne de second tour. Sa campagne de premier tour, c'était une campagne de second tour, donc c'était pas à propos, donc c'était foiré. La première semaine, c'était bon, et jusqu'à ce putain de débat où elle a ricané pendant 57 minutes d'affilée face à Macron, et elle s'est ridiculisée, et elle nous a ridiculisé, nous, Français, qui avons, ma foi, un souci de pas se faire envahir par des nègres. Exactement. Attends, mais on avait dit campagne de premier tour inexistante. On a vraiment bien détaillé ça, on a dit que c'était une catastrophe. Bah, en fait, on connaît l'origine. La première semaine, bon, on en a parlé, on a été honnête, on a dit c'était bien. Deuxième semaine catastrophique, bon, bah là, je crois qu'on a fait le truc. Et maintenant, on se retrouve maintenant, dynamique zéro, 20% aux législatives. 20% aux législatives qu'on lui donne. Et je regarde les clients qu'elle met en avant pour faire élire, parce qu'évidemment, il y a des circonscriptions privilégiées. Mais qu'est-ce que ça dit au nombre de députés? Parce que moi, je planche sur zéro. Hein. Sur un zéro pointé. Ça évolue, mais ça se rapproche de plus en plus de 15. À 15, ça serait déjà... Imaginez-vous. Non, mais oui. 15 députés. Alors, je regarde les noms des députés. Elle case son beau-frère. Elle case le PD chenu. C'est qui son beau-frère? Samuel Maréchal? Non, le mari de Marie-Caroline, je ne sais pas quoi, etc. Alors ensuite, arrive chenu, le PD militant complètement machin. Il faut qu'on rappelle qui est chenu. Vas-y. Chenu, c'était le fondateur de l'association du centre et de droite, hein, donc avec l'UMP, etc., l'UDI, des homosexuels de la droite républicaine. Voilà. Et donc, alors, ce type-là a trouvé bon de rejoindre Marine Le Pen parce qu'il a semblé que c'était dans son intérêt. Oui, de toute façon, ils ne sont pas très, très, très fermés au PD, au Front National, maintenant. Je vois les trucs. Candidate Sophie Montel qui va défendre les animaux, dit Kelly Bettech. Qu'est-ce que c'est que ce putain de foutoir? Mais une grosse truie qui défend les animaux et les nègres et les pédés. Oh non, mais écoutez. Non, mais je suis désolé, je veux dire, moi j'ai regardé les noms des candidats. Non. Et Marine Le Pen n'a retiré aucune. N'a même pas eu la décence de s'excuser. Elle n'a pas eu la décence de s'excuser de prendre ses responsabilités. Elle nous case sa cage aux folles, au poste à responsabilité, en position, les rares en position éligible. C'est sa cage aux folles. Alors, tantôt, ils sont pédés, tantôt, c'est... Bon, je passe sur le reste. Tantôt, c'est des communistes sémites. Alors, je vois, j'ai un Jean Messia. Alors, lui, bah oui, Messie, oui, le Messie, qui vient de je ne sais où encore. qui a décrété que voilà. Alors, il vient d'Égypte apparemment. Hein. Oui, oui, oui, bah, ça nous fait une belle jambe, voilà, on va être avec des... Oui, voilà, bon, alors il a un terrain qui est plus long que large, enfin bon, c'est ridicule. Enfin, il manque plus que Nagui au FN et c'est bon, quoi. Voilà, non, mais voilà, bon, je... Non, mais... Et pourquoi ces trous du cul donnent encore du crédit à Alain Soral? Moi, je crois savoir pourquoi. C'est parce que ces gros trous du cul, étant donné qu'ils adoptent le mode de pensée du système, hein, ils sont complètement, ce sont des pédales du système, des petits mecs du tertiaire, des pédales d'avocaillons. Enfin, c'est vraiment de la merde de parisianiste, ultra-jacobine, des petits prétentieux qui sniffent de la coke entre eux, quoi. Et ces mecs-là, en fait, quand ils voient le succès de Soral, ils se disent « un connard homophobe, antisémite comme ça, avec autant de succès, c'est forcément qu'il y a des idées très intéressantes ». Donc en fait, tout ce qui est inintéressant, ce qu'ils comprennent pas, c'est que tout ce qui intéresse, tout ce qui est intéressant chez Soral, c'est ce qu'eux trouvent abject, quoi. Donc à mon avis, ils comprennent vraiment rien à la période actuelle, tu vois. C'est des gens, c'est pour ça que Marion Maréchal Le Pen a claqué la porte. C'est que elle, qui est jeune, elle sait très bien que les jeunes n'en peuvent plus de ces vieux connards de 68ards qui bouffent encore à la gamelle du politiquement correct, qui n'ont rien compris aux enjeux actuels, qui sont encore dans, tu sais, tu vois dans leur comportement qu'ils n'ont pas saisi l'urgence. Vous parliez de la danse de Marine Le Pen, mais ça, c'est typique de gens qui sont dans la frivolité, quoi. Or, là, on est quasiment face à la mort, quoi. Donc, il y a un type de comportement qui, il y a une espèce de, un élan vital, une décence, enfin il y a tout un tas de choses qui doivent se ressentir par rapport à cette situation. Or chez eux tu le ressens pas. Chez Marion Maréchal Le Pen et chez la nouvelle génération comme Rogli, tout ça, qui sont pas des mecs comme nous, tu vois, ils essayent encore d'avoir un pied dans le système, Rogli, machin. Rogli s'est barré du FN, Astérix, ça il y a un petit moment. Alors j'ai envie de demander son avis à Fulbert, un avis extérieur. Face à tout ce qu'on a dit, donne-nous ton avis plein et entier. On a besoin d'un avis clair sur le sujet. Donne-nous ton avis. Ah, écoutez, moi je suis pas un grand spécialiste de la question. Hein, vous avez suivi ça et expliqué surtout ça bien mieux que j'aurais pu le faire. Et j'étais loin d'analyser comme vous. Et disons que grossièrement, en amateur, en voisin et en disons observateur à la limite, je crois qu'il faut balancer la vieille classe du FN. Il y a un nettoyage à faire, quelque chose d'épouvantable. Et à la limite, je dirais même que il faudrait, vous allez me dire, oui, c'est Marine Le Pen qui a sorti ça, je ne reprends pas l'idée. À la limite, après avoir balancé toute cette vieille garde de merde qui fait carrière finalement, hein, à commencer par le père Le Pen, hein. Il a un passé très bien, il n'a plus d'avenir l'homme, hein. Marine Le Pen non plus n'a plus d'avenir, et beaucoup d'autres n'ont plus d'avenir. Il faut balayer tout ça, et à la limite, disais-je, il faut effectivement changer le nom du FN, mais il faudra faire quelque chose de très agressif. C'est une reconstruction qu'il faudra faire. Sinon, le FN, à mon avis, il va au fossé, et il n'en sortira jamais. Oui, un peu comme le Vlaams Belang, finalement, en Belgique. Oui, mais le Vlaams Belang, effectivement, a subi cette dérive particulière, qui était différente, hein, on ne va pas s'arrêter là-dessus, mais si le Vlaams Belang s'est effondré, à un moment, c'est surtout parce qu'il y a un autre parti nationaliste qui est apparu, qui était manifestement dirigé par quelqu'un qui a un esprit de stratège. Je ne suis pas un admirateur de ce monsieur que je ne connais pas plus que ça, qui s'appelle Bart De Wever. Mais Bart De Wever a réussi à rassembler et des gens qui avaient une relative modération en Flandre et des gens qui étaient des radicaux dans le Vlaams Blok. Il a réussi à rassembler les deux et il en a fait quelque chose et il en fait toujours quelque chose. Contrairement au FN qui lui va dans, il est dans, non il va pas dans le, il est dans le mur. Ouais, je pense que aussi oui clairement, mais les, en fait il y a ceux qui sont un peu dans le déni, et notamment à cause des législatives, il y a les gens qui font un petit peu qui joue un peu le truc, mais je ressens vraiment... Bon, il y avait des critiques très fortes contre Marine Le Pen depuis un bon moment. C'est, on va pas faire semblant de dire que ça existe. C'est évident. Mais là, il y a eu, comment dirais-je, Marine Le Pen... Il y a eu le débat. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, les gens, même les plus pros, les plus militants, parce que c'est quand même l'idée, je veux dire, elle a été portée à la tête du... Bah, on a vu qu'elle était nulle, quoi. C'est ouais. Ça, hein. C'est pas plus compliqué. C'est-à-dire qu'en 2011... On a vu que c'est la gonzesse qui, vraiment, qui passe ses... C'est-à-dire que c'est... Il faut quand même mesurer l'ampleur de l'échec. C'est-à-dire que c'est un parti à qui, depuis des années, on refuse un débat. C'est-à-dire que, voilà, on ne débattra pas avec Jean-Marie Le Pen, entre les deux tours, etc. Là, pour une fois, on dit, OK, on va jouer le jeu, parce qu'il y a eu la dédiabolisation, ça serait compliqué, ça serait vu. J'imagine qu'ils se sont dit en face que ça serait quand même passé pour des faibles que de refuser le débat, étant donné toutes les manœuvres qui ont été opérées par Marine Le Pen pour avoir l'air, de plus, etc. Donc, ne voulant pas passer pour des gens faibles qui refusaient, Macron accepte le débat. Et donc, il y a une occasion inédite qui se présente pour le Front National de faire mouche lors du débat télévisé face aux candidats du système. Et effectivement, elle ne prononce pas une fois le mot immigration. Ce qui est juste... Voilà, normalement, on la balance dans le mixeur et c'est directement... Pas une seule fois le mot immigration et puis du ricanement continue quoi, pendant 2h30, c'est ce qui est absolument insupportable. Hein. Oui, le ricanement de Gonzès qui prend de la distance comme ça. Ouais. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, qu'il avait vu pour la première fois Marine Le Pen en 2012. Il avait déjà senti le malaise parce qu'il m'a dit elle riait toujours à contre-temps. Ouais, il m'a dit je me suis rendu compte qu'il y avait un problème quoi. Et en fait, oui. Un problème de QI, oui. C'est pas le QI là, c'est de l'affect, etc. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses, quoi. Mais le truc, c'est que, mettez-vous dans la tête des militants qui y croient, quoi. Bon, elle arrive au pouvoir en 2011 en disant Jean-Marie Le Pen est un provocateur. En gros, elle fait comprendre. Le Pen est un provocateur, etc. C'est un anarchiste, en substance. Il veut pas être constructif. Il veut pas aller de l'avant. Il veut pas être positif. Soit. Tout le monde lui donne crédit. En avant, on va bâtir un mouvement, etc. En 2012, elle tente son truc, elle échoue, mais bon, tout le monde lui dit, les mecs disent, bon, elle vient juste d'être élue. Ouais, on lui dit, il y a du potentiel, tu peux faire mieux. Voilà, et puis elle vient d'être élue, bon, c'est quand même difficile de la charger en disant qu'elle a foiré, bon, de 2011 à 2012, c'est quand même pas facile, etc. Bon, d'accord, donc elle fait 17%, d'ailleurs, ce qui n'était pas un score déshonorant pour l'époque, c'était, les gens avaient espéré mieux, les gens espéraient, c'est triste à dire, mais les gens espéraient déjà l'avoir à 22-23% à l'époque. Elle a fait 21 ce coup-ci. C'est pour vous donner une idée. Et en fait, les militants travaillent comme des dingues. La communication, la dédiabolisation, on nous dit c'est le sésame, ça va ouvrir toutes les portes, elle va faire des scores extraordinaires, etc. Ils sont présents partout, on nous parle d'euros, on oublie toutes ces conneries de racisme, d'immigration, etc. Tout ça est entendu, comme dit Philippot. Moi, je me rappelle, il y avait un collègue en Bretagne qui avait rencontré Philippot, qui était un journaliste. Il l'interroge, il dit, et sur l'immigration, monsieur Philippot, qu'est-ce que vous auriez à dire, etc. Philippot change du tout au tout de visage, se décompose, etc. Comme si on l'avait agressé. Il dit, mais sur l'immigration, tout le monde connaît notre position. Donc, c'est-à-dire que c'est un rejet de la question de l'immigration chez ces gens. Ces gens sont de gauche. Ces gens sont de gauche. Ceux qui votent Front National ne savent pas ça. Ces gens sont profondément de gauche. Et surtout que la question de Philippot. Et ça, il faut se le foutre dans la tronche. C'est physique, c'est chez gens. Comme vous diriez ça à un militant de gauche, je dis, mais qu'est-ce que tu penses de l'immigration musulmane avec la même réaction de épidermique, quoi. Et les militants se cassent le cul. Et alors, effectivement, le débat, c'est 6 ans de travail. 6 ans de boulot, 6 ans où on a avalé les couleuvres, on nous a promis monts et merveilles, on a fait tous les efforts, et puis ça y est, on l'a portée là, on la voulait là, le premier tour était décevant, mais ça y est, elle est dans le duel, elle va là, et c'est là qu'elle va enfin donner le meilleur d'elle-même, on a bossé pour ça. Ouais. Et là, rien. C'est pire que tout, elle détruit son mouvement en 2 heures de temps. Pourquoi ? Bah, en plus parce d'elle-même et de sa personnalité, en plus de sa personnalité et en plus de ce qu'elle a raconté, parce qu'il y a un gourou dans la coulisse qui a montré une vidéo d'un autre gourou qui est un psychiatre italien, qui a dit qu'il était psychopathe, le Macron, et que si on lui tapait dessus de telle ou telle façon, ça allait, c'est bon, c'était le sésame, c'était réglé, ils allaient prendre le pouvoir. Ah bah c'est les talents de fin psychologue de l'instant. Non mais imagine, bah, c'est le dernier qui a parlé. Non mais autant c'est quelqu'un qui peut être intéressant sur les femmes. Parce que, il y a 15 ans quoi. Non mais voilà, c'est-à-dire que je veux bien croire une chose sur l'instant, c'est qu'effectivement, ça a été un gros dragueur bien gras, et que, voilà, à force, n'est-ce pas, à force, à l'usure, il a quand même compris quelques petites choses sur les femmes. Il n'y a pas de problème, ça, je veux bien lui accorder. Mais alors, quand il s'agit de faire le fin stratège sur des hommes politiques comme ça, c'est un peu plus compliqué que de draguer des Il est trop drogué, quoi, il se drogue trop. Franchement, ce mec-là, il est intelligent, mais il a des up and down qui sont trop manifestes, quoi. C'est évident que de temps en temps, il a des espèces de... Alors attends, je te rappelle qu'il est quand même ouvertement chaviste et qu'au Venezuela, en ce moment, ils sont en train de se bagarrer à coups de molotov remplis d'excréments humains, si tu veux. Hein. Donc, oui, voilà, bah déjà, il est trop conditionné par le communisme, quoi. C'est affligeant, quoi, parce que tu sens que... En fait, il a compris, vu qu'il est intelligent, que en gros les idées de droite étaient intéressantes, mais son conditionnement de communiste le font tout le temps. Tu sais, il essaye en fait de réconcilier son logiciel communiste avec les idées de droite, mais il refuse de remettre en question son logiciel communiste. Ça, c'est ça qui est affligeant chez lui, quoi. C'est qu'il comprend pas que la lutte des classes, tout un tas de trucs sont peuvent être remis en cause avec un œil juste, en fait, avec une prise de conscience, quoi. C'est un espèce de tilt, quoi. La lutte des classes, d'un seul coup, tu te rends compte, bah oui, que c'est exactement le même genre de division que homme-femme. C'est des divisions, en fait, qui n'existent pas à partir du moment où tu lances un élan, où la nation a un élan identitaire, volontaire. Enfin, tu vois, c'est tout part de l'unité, de l'homogénéité, de l'élan collectif, quoi. Et à partir de là, les élites jouent leur rôle, les petites gens jouent leur rôle, il n'y a pas de conflit, quoi. C'est quand il n'y a plus d'élan collectif que tout se perd, quoi. Et l'élan collectif, il vient de l'homogénéité, justement, ce que les marxistes essayent de nier. Enfin, il est vraiment chiant, parce que tu vois, il pourra toujours baiser tout un tas de gens, parce qu'il est vraiment... Il est très intelligent, quoi. Moi, enfin, de mon point de vue, après, avec moi, je le juge depuis ma petite intelligence, donc je peux me tromper, mais et tu vois, et c'est pour ça qu'il baisse tout un tas de mecs, quoi. Ouais, par exemple, il y a un truc qui est ignoble. Une intelligence au service du communisme, j'ai envie de dire. Ouais, voilà. Bah, tout à l'heure, vous disiez, par exemple, il reproche à Marine Le Pen de se braquer sur l'UOIG, UOIF. Mais il souhaite qu'elle se braque contre le CRIF. Donc faut être honnête, faut juste lui dire braque-toi contre l'UOIF, d'accord, mais braque-toi aussi contre le CRIF. Ce gros con tombe dans un vieux panneau à la con qui se tend à lui-même, quoi. Il lui dit arrête de te braquer contre l'UOIF, et en même temps il réclame sans arrêt qu'elle se braque contre le CRIF. Donc là il passe pour un pro-crouille manifeste, quoi. Est-ce qu'il est peut-être d'ailleurs, hein, moi je sais pas, en privé, il y a des gens qui disent qu'il l'est pas tant que ça, il y a des gens qui disent qu'il l'est. Moi je pense qu'il a dû se réconcilier avec la virilité maghrébine d'une façon plus catholique. Hein. Voilà, je laisserai les auditeurs en juger, quoi, mais vu la dévorée qu'il est capable de nous sortir, tu sais, sur les... Voilà, la boxe avec ses amis, tu vois, la boxe avec Africains, les bouilleux. Ouais, non, mais hey, tu sens, il a pas vu que de la transpiration. Et des, voilà, bah, je pense que c'est allé un peu plus loin. Eric, tu voulais dire quelque chose? Oui, écoute, je voulais parler un petit peu de Marine Le Pen, effectivement, qui a été nulle, hein, on va dire, dans ce débat de second tour. Elle a été tellement pas au niveau qu'on aurait préféré que ce soit son père qui soit à sa place lors du débat, quoi, hein, parce que enfin, je pense qu'il aurait plus, malgré ses rapages et compagnie qu'il a pu avoir, il aurait été meilleur, quoi, clairement, hein. Ensuite, je vais un petit peu, comment dire, partir sur ce qui a commencé à être la présidence de Macron. Ouais. J'ai regardé un petit peu sa prise de fonction avec Hollande et tout, le passage sur les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe. Putain, au niveau médiatique, ça a de la gueule, hein, le truc. Hein. C'est carré. Hein. C'est pas Hollande qui se mettait sous la pluie, là. Ça va être vraiment plus dur. Quoi, hein. Il va faire autre chose que Marine Le Pen pour obtenir 3% de plus en 5 ans. Hein, ouais, parce ouais. que c'est... Ben, je sais pas si on se rend compte des choses. En 2012, Marine Le Pen fait 17%. En 2017, elle fait 21%, alors que le président en place est François Hollande. Oui. François Hollande qui est, ma foi, si tu prends que le code à l'arrêt, tu lui dis « qu'est-ce que tu penses de Hollande ?» Le mec, à 90-95%, te dit « Hollande, c'est une merde. » Ouais. Okay là, il y a Zébulon au pouvoir. Là, il a fait sa petite entrée bien, bien propre. Quand il sort de chez lui, la pluie s'arrête, hein, voilà, il y a le soleil qui s'ouvre. Ça va pas être la même histoire, hein. Franchement. Je sais pas ce qu'il va nous falloir pour. Je sais pas ce qu'il va falloir qu'on trouve comme sparring partner à Macron, mais c'est pas Marine Le Pen clairement. C'est pas Marion Maréchal de toute manière, sans douter. On se retrouve la semaine prochaine, chers amis. Ouais, samedi. À plus, chers amis, à plus. À plus. Ouais. Bonsoir. Enfin, le Lenoir n'est pas prêt à se gouverner lui-même. Il faut commencer tout doucement. Et il faudra longtemps avant qu'il y ait des Noirs qui soient assez intelligents pour gouverner le pays. Sinon, nous voulons tout le monde à la ruine, les Noirs d'abord et nous après. Mais le Lenoir d'abord. Mais vous dites longtemps, vous, ça fait combien d'années? J'ai un boy, c'est celui qui nous sert. Il est bête comme ses pieds, mais bête comme ses pieds. Je ne pourrais pas vous dire comme il est bête, mais il est brave. Mais il faudra 300 ans pour que ce type-là arrive à avoir un tout petit quelque chose là-dedans. C'est vrai. Hein? Je ne serai plus là, mais lui non plus. Il n'est pas méchant, il est brave, mais il est bête. Et alors, c'est vous beaucoup de patience. Hein? Et il y en a des millions comme ça. Mais vous dites, votre petite fille qui a 2 ans ne voit pas de différence entre les Noirs et les Blancs. Non, mais écoutez, pas plus que chez nous. Enfin, chez nous, on a aussi des serviteurs et il y a des classes quand même. Vous n'invitez pas votre jardinier à manger à table avec vous. Enfin, vous n'en trouvez pas de jardinier. Enfin, ça, c'est mon opinion. Adolf Hitler